message spécial. N'oubliez surtout pas d'écouter Coé sur Énergie de 17h à 20h. C'est mieux que de replier sa quechua pendant 3h. Une bande de ouf, enfermée dans un studio, vont te faire oublier que t'as eu une journée pourrie. C'est Coé, c'est le Bifor. 17h-18h sur Énergie. Merci d'être avec nous. Vous êtes en forme, vous êtes en forme, vous avez froid. Oh oui, vous avez froid, il est 17h. Vous avez froid, je vous sens froid. Allez, on se réchauffe. Oh non. Ah, c'est vrai. Je préfère avoir froid. Mais non, vous êtes mieux. Vous êtes mieux, c'est une tuerie. J'espère que vous passez un bon moment, tout le monde, et que vous avez passé un bon moment avec Énergie et que tout se passe bien aujourd'hui. Nous avons plein de surprises dans l'émission. J'ai 10 000 euros à vous offrir tout à l'heure. Et d'abord, avant de vous offrir ces 10 000 euros au 7-10-12, en mettant que au début de votre message, j'ai envie de vous dire merci. Merci d'être nombreux à nous écouter dans la voiture tous les jours. 1 620 000 auditeurs. 24 000 auditeurs. 313. 12. 12, parce que quelqu'un. Okay. Mais il y a eu des jumeaux qui viennent d'arriver, donc 14, il paraît. Ça fluctue, hein, c'est un peu la bourse. Merci de nous avoir choisi, que vous soyez gilet jaune, que vous ne le soyez pas, que vous soyez dans les bouchons, que ça roule ou que ça roule mal, que vous sortiez du boulot, que vous soyez dans un magasin. Je vous embrasse tous et j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous, avec toute l'équipe que je vous présenterai dans un instant. Mais nous commencerons avec les champions du monde de l'actu dans quelques secondes, notamment avec l'un des garçons. Je vous raconterai l'histoire du mec le plus condamné au monde. Je crois que c'est un record, ça n'a jamais été vu. Dans l'actu, 2-3 petites news, on reviendra sur Zaz. Eh oui, le retour. Ouh. Amazon a été piraté. Rigolez pas, vous faites peut-être partie des comptes. Ah merde. Et il y a un nouvel animal qui arrive en Corse. C'est pas le plus sympa pour les touristes, puisqu'on dit qu'il y a des mygales qui viennent d'arriver. Oh. C'est vrai. J'aime pas ça. Vous les avez vus? Oui, je les ai vus, je dirai pas où. Nous aurons tout à l'heure 5 astuces. Attention, c'était un dossier très important dans un magazine scientifique. 5 astuces pour lutter contre le froid. Vous m'écoutez, vous avez froid, vous voulez des petites astuces simples, je vous les donne dans un instant. Il y aura également la différence tout à l'heure, un mini dossier dans l'émission. Nos journalistes ont enquêté. Nous aurons tout à l'heure la différence entre le porno et la vraie vie. Voilà. Ah oui. Non, oui. Oui. Alors oui. Vous avez. Oui, il y a une différence. Il y a une différence. Je vous en parlerai dans un instant. Nous reviendrons avec Laurie Neal, parce que Laurie Neal, extraordinaire. Laurie Neal, tout le monde se souvient de cette chanteuse. On en a parlé hier. Bien sûr. Vous savez qu'elle est arrivée sur scène et ça s'était pas bien passé. Les gens ont sifflé. Elle est arrivée avec 2h30 de retard il y a 2 jours. Eh bien, écoutez, ça lui a servi de leçon. Elle s'est excusée puisqu'hier elle est arrivée avec 1h30 de retard sur scène. Ça va mieux. On est mieux. Encore 3 soirs, elle était à l'heure. Ouais. Donc nous aurons tout à l'heure son manager, puisque nous voulons des explications. Évidemment. Rembourser nos invitations. Rembourser. J'y avais des invitations, mais je ne suis pas allé. J'aurais pas aimé, hein. Parce que quand tu payes un concert très très cher, il y a des gens qui se saignent pour aller voir des spectacles et que ça arrive avec autant de retard que tu as un problème derrière pour reprendre les transports en commun. C'est l'horreur. Nous parlerons tout à l'heure de Jean Lassalle, un peu notre star. On avait commencé l'émission avec lui tout à l'heure. Hier, je veux dire, Jean Lassalle, vous vous souvenez? Je me suis posé une question et on essaiera tout à l'heure ça. Comment ça se passe pour Jean Lassalle avec une enceinte connectée? Oh là, oh le bordel. Tu sais, l'enceinte, tu sais, quand tu commandes quelque chose ou que tu veux écouter Énergie, tu lui demandes, tiens, mets-moi Énergie. Ah boum, tu nous écoutes. Ouais. Comment ça galère pour Jean Lassalle? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche? Nous ferons le test en live tout à l'heure. À 18h, l'émission en public avec le Qu'est-ce que c'est? L'appel promo aujourd'hui, pas un magasin traditionnel. Ah. Oh, je fais un truc pour adultes. On refera un appel promo dans un sex shop, il n'y a pas de raison. Okay, il n'y a pas de raison, nous devons informer tout type de clientèle que nous sommes de retour sur Énergie. Nous appellerons tout à l'heure, on va lancer aussi un nouveau truc demain, c'est le Black Friday. D'ailleurs, il y a 5000 euros demain à gagner de bons d'achat, c'est un truc de dingue, jouez avec nous. Sur Cdiscount, c'est. Voilà. On jouera au qui roule. Ça, on fera ça demain, et donc nous allons lancer en parallèle du Black Friday. J'ai décidé de lancer un mouvement dissident. Qu'est-ce que c'est? L'équivalent du gilet jaune du Black Friday. Ouais, nous allons faire le Black Friday. Le Black Friday, c'est pour d'accord. Pour préparer les magasins, une réduction, une blague. D'accord. Il faut qu'il soit prêt demain au niveau du Black Friday. Toute l'équipe va? Oui. Je commence quand même par cette info avant de présenter toute l'équipe. J'ai cru à une blague, vous l'avez peut-être tous vu sur vos téléphones portables hier, mais non, c'est une vraie info. Vous êtes âgé de 18 à 49 ans. Vous êtes affilié à un régime de sécurité sociale française? Oui. Oui. Vous êtes en bonne santé? Oui. Sachez que le centre de recherche clinique de l'hôpital Saint-Antoine de Paris lance un appel au don de sel. Alors non, prenez pas les vélos et donnez pas votre sel, ils s'en foutent. Le poivre, ça marche? Il parle du caca. Oh! Vous l'avez bien compris, ils cherchent du caca. C'est pas une fake news, ou alors vraiment c'est une défake news. Black Friday. Mais c'est le communiqué de l'hôpital, je vous le dis. Nous cherchons des volontaires sains pour réaliser un ou plusieurs dons de sel, un ou plusieurs. Dans le cadre d'une étude, l'objectif de cette étude est d'évaluer l'efficacité de la transplantation de microbiote fécal sur l'évolution de la maladie. Vous serez indemnisé de 50 euros par don. C'est ça qui est quand même le plus fort. C'est que t'es chez toi, tu t'ennuies, un tupperware, hop, tu mets dedans, tu emmènes 50 euros. Ça, c'est bien. Alors voilà, je... Ça, c'est bien. Non, mais... je ne l'ai pas fait, mais regarde pas comme ça, je ne l'ai pas fait. Tu l'as pas fait? Non. Je veux dire que Jeff peut être très riche. Hein. Jeff, mais Jeff, rachète l'hôpital. Mais lui, l'hôpital fait écouter, on n'a pas l'air sûr, on appelle la banque. Est-ce que je peux mettre dans le Tupperware le DVD des Bronzés 3? Oh. Ça marche aussi. Je peux ou pas? Parce ça que... fonctionne. Oh, parce que c'est équivalent quand même. Présentation de l'équipe. Oh, si, les 3. Ah, si, si, t'es pourri. Alors, le 1, si. Le 2, il est super, mais le 3. Non, c'est non, pas le 3. Attention, spécial aujourd'hui, car il n'y a aucune journée mondiale. Quoique. Non, on n'en a pas. Mon équipe a donc décidé de créer ses propres journées. Pour lui, ce sera la journée mondiale de l'arthrite dans les doigts. Oui, puisqu'il doit forcément en souffrir pour ouvrir les pains techniques qu'il fait tous les jours. Bichette, notre réalisateur. Bonsoir. C'est médical, c'est médical. Pour notre Miko, ce sera la journée mondiale de l'addiction aux jeux vidéo. Oui, il veut s'en sortir. Pour en parler avec lui, retrouvez-le en réseau sur Red Dead. Il expliquera tout. C'est Miko qui est avec nous. Bienvenue, mon Miko. Bonsoir. Elle va créer la journée mondiale contre la maltraitance des stagiaires, car elle trouve honteux que des personnes traitent mal ces jeunes travailleurs. En effet, oui, elle veut être la seule à pouvoir les défoncer et personne d'autre. C'est Mastouf. Pour lui, naturellement, ce sera la journée mondiale de la restauration au travail. Lui, il veut que chaque bureau, chaque accueil, chaque open space, chaque salle d'attente, chaque tiroir de bureau soit pourvu d'une cuisine et d'un frigo rempli. Attention, c'est important. Bref, des conditions de travail décentes, c'est la base. Merde, Jeff qui est avec nous. Et enfin, pour notre bordasse, ce sera la journée mondiale des community managers. Vous savez, ces personnes si méconnues, dont la vie n'est faite que de hashtags, de programmation YouTube ou de Coco, tu fais une photo pour Insta. Bref, en fait, c'est la journée mondiale des gros relous. C'est mon bordasse qui est avec nous. On les embrasse, les community managers qui nous écoutent un peu partout. Bisous à vous tous. Le hashtag arrive dans un instant. Voici Georges Ezra. Je rappelle, ce n'est pas un duo, c'est un mec, Georges Ezra. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. Get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Merci de nous avoir choisi sur Énergie. Hier, il y avait Bibi Rixa qui était notre invité qui fait des duos avec David Guetta. On a fait un jeu où on a appelé David Guetta. Ouais. Et vous êtes nombreux, on était en Facebook Live. David a répondu, elle a dit tu préfères qui? Who do you prefer, Bibi ou Coco? Il a dit Coco. Elle a raccroché. Elle a raccroché. Et on n'a pas mis la vidéo, on ne l'a pas laissée sur Facebook. Il y a eu beaucoup de messages, ils ont dit mais pourquoi vous l'avez pas laissé? Pour deux raisons, parce qu'on va vous faire une belle vidéo YouTube. Et la deuxième, c'est qu'en raccrochant, quand j'ai tourné mon téléphone, il y avait le numéro de David Guetta en énorme. Donc effectivement, ceci était une raison qui fait suffisant. Vous m'avez compris, 10 000 euros à gagner. C'est notre Black Friday à nous. 10 000 euros si vous voulez les gagner, jusqu'à 10 000 euros. Soyez bon, 7, 10, 12 par SMS Météco au début de votre message. Et vous allez peut-être gagner 10 000 euros en rentrant du boulot. Et même si vous n'avez pas de boulot, vous aurez quand même 10 000 euros. Champion du monde de l'actu, le numéro 1, j'en ai 3, ils sont très bons. Premier champion du monde, il est en Italie. Grâce à des travaux réalisés dans les années 90, il a été calculé que la tour de Pise s'est redressée. Vous voyez ce que c'est la tour de Pise? Oui, bien sûr. Oui, bah oui, bien sûr. La tour de Pise s'est redressée. Alors qu'en théorie, un monument, ça s'écroule. Oui. Eh bien, elle s'est redressée de 4 cm. Ah ouais? C'est fou, ça, non? Alors, est-ce qu'ils n'ont pas fait les mesures le matin de bonne heure? Elle était dressée le matin, elle retombait le soir, je ne sais pas. Il y a eu du prostavol. Peut-être qu'elle est comme nous, les hommes, et puis après, bon, c'est qu'une illusion d'optique. Je ne sais pas, je ne sais pas. Deuxième champion du monde. Ah, c'est une Néo-Zélandaise, elle s'appelle Zoya Hamini. Et depuis 22 ans, elle exerce comme psychiatre au Royaume-Uni. Oui, mais alors ça, c'est le problème, c'est qu'elle n'a jamais eu le diplôme de psychiatre. Elle est arrivée en Angleterre en 96. Elle était psychiatre et comme personne n'a vérifié, elle s'est installée, on lui a jamais demandé le diplôme. Non. En même temps, est-ce que tu as vraiment besoin de faire des études pour t'asseoir sur un canapé et entendre un mec derrière toi qui dit « Ouais. Sinon. Quoique. Votre enfance. Voilà, c'est 100 euros. Écoutez, à la semaine prochaine. Moi, je vous le fais, hein, je vous le fais, sans diplôme. Super champion du monde, toute catégorie. Il était au Guatemala. Un ancien militaire vient d'être condamné par la justice guatémaltèque. C'est pas rien à voir avec la pastèque. Hein, c'est à 5000, non, c'est l'heure, vous avez peut-être envie de goûter. C'est pas 5 fruits et légumes par jour, la Guatemala. Oh, je mangerais bien une guatémaltèque. Il a été condamné à 5160 ans de prison. Oh la vache. Pour le massacre de 201 paysans, c'est pas drôle, hein, dans un village du nord du pays. La peine correspond à 30 ans de prison. Pour chacune des victimes, plus 30 ans supplémentaires pour crimes contre l'humanité. Écoutez, pour ce qu'il a fait, 5160 ans de prison. Mais c'est rien, j'ai fait le calcul. Avec les remises de peine, il est dehors dans 4800 ans. Non, franchement, c'est rien, c'est rien. Vous voulez gagner des sous, 7, 10, 12 par SMS. Le Zap Télé de Mico, on parlera de quoi tout à l'heure? La France, c'est un incroyable talent et puis d'autres choses. Et Jean Lassalle face à une enceinte connectée. Qu'est-ce que ça peut donner? N'oubliez pas notre dossier du jour. Le porno, ce n'est pas la vie. Et à l'inverse, la vie, ce n'est pas le porno. On en parle dans un instant, juste après Dadju. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. À qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble, on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes, je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis. T'es mieux que ça va l'hôtelier. M'en veux pas de me méfier. En femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Yeah. J'ai toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis. T'es mieux que ça va l'hôtelier. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. Je suis jaloux, je suis jaloux. Même si j'ai confiance en toi. Sur Énergie. Jean Lassalle hier était avec le seul avec son gilet jaune à l'Assemblée nationale, n'a pas voulu parler, n'a pas voulu bouger, n'a pas voulu partir. Rien. Et comme on dit chez les jeunes, il avait l'air d'un thug. C'est vrai. Hein. Ouais, c'est ça. Ah bah ouais, alors, un thug en deux mots, c'est quoi? Comment tu le traduis? Comment on dirait? C'est quand tu fais ton petit voyou pendant un petit moment. Pas un petit voyou, c'est même limite t'as l'air d'un con. Non, un thug. C'est ça, c'est un petit mix des deux. C'est le moment thug live quoi. Ouais, mais en truc branché, un thug. Drop the mic, tu vois. Le moment quoi? Drop the mic. Merci de donner des explications. J'ai l'impression d'avoir Jérémy Frérot qui explique sa chanson où tu comprends encore moins après qu'avant. Le hashtag du jour pour la peine. Alors, je suis un thug, quand? Eh ben, vous faites-vous plaisir sur Twitter, les thugs. Et vous et tous les autres, vous y allez, hashtag je suis un thug, ça s'écrit T-U-G. Pas T. T-H-U-G. Genre, je voulais dire pas T-E-U-G, parce que ça, c'est comme. C'est pas pareil. Mais c'est pas. Parce qu'en plus, vous trompez de lettres à la fin, ça devient catastrophique. J'ai une très très bonne nouvelle. Vous êtes content ou pas? Bah oui. Zaz est de retour, les amis. Zaz, elle va faire un duo. Je vous en expliquerai ça dans un instant. Et Amazon, ça c'est la mauvaise nouvelle, a été piratée cette nuit. Des adresses mail aux États-Unis, rassurez-vous, ont été divulguées. Des trucs, il y a des infos personnelles qui ont circulé sur le net. Ils disent que c'est réparé. Eh, tu dois quand même avoir la haine d'apprendre que le monde entier sait que t'as acheté des appareils à raclette à moins 30%. Là, quand tous tes amis t'appellent et disent c'est bon, c'est pour les appareils à raclette. Bravo, à tout de suite avec 10 000 euros peut-être. Gagnez vos places pour la soirée foot regardée par la planète entière. Le Ballon d'Or, c'est le 3 décembre au Grand Palais à Paris. Le Ballon d'Or est attribué à. Et l'équipe du Rico Show vous y invite. Non. Seul Rico possède les tickets. Il vous les offre ce soir. Et vous serez, grâce à Énergie, invité au milieu des stars de la planète foot. Le Rico Show. Ce soir, 20h sur Énergie. La Black Friday Week, c'est maintenant sur Amazon, avec des ventes flash pour toutes vos envies. Pour préparer les fêtes, acheter des cadeaux pour vos proches ou tout simplement pour vous faire plaisir, laissez-vous tenter. Profitez de prix bas et de la livraison gratuite sur des millions d'articles. La Black Friday Week sur Amazon, c'est jusqu'au 26 novembre. Livraison gratuite en France à partir de 25 euros d'achat d'articles éligibles, expédiés par Amazon. Voir les conditions sur Amazon.fr. Intermarché vous propose d'écouter le deuxième à moins 50%. Perdu dans le cosmos, la Voie lactée, ses mystères, ses constellations, de pralinés et son chocolat. Oh, son chocolat. Jusqu'au 2 décembre chez Intermarché, pour l'achat d'un paquet de papillotes Voie lactée Révillon, le deuxième est à moins 50%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Paquet de 420 grammes, modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Tu penses quoi de ma cuisine? J'aime beaucoup. Tous ces rangements, c'est super pratique et tellement bien organisé. Et puis la couleur, oh, j'adore. Oh, bah c'est sympa, merci. Mais je te parlais de mon gratin de chou-fleur aux tripes. Ah oui, ça, oh, surprenant. Tous les ingrédients de la cuisine de vos rêves sont chez IKEA et toujours à prix bas. Comme le nouveau four à air pulsé Andretta à 399 euros. Et en plus, il est garanti 5 ans gratuitement. Rendez-vous vite dans votre magasin ou sur IKEA.fr. IKEA. Black Friday, Black Friday, Black Discount, Cdiscount. Black Friday, en français on dit Cdiscount. Le meilleur du Black Friday, c'est maintenant sur Cdiscount. Black Friday, vendredi noir. Voir conditions sur Cdiscount.com. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite. Sans abonnement. Avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Sephora. Le Black Friday, c'est demain. Mais chez Sephora, on n'attend pas. Jusqu'à ce soir seulement, tous les produits Huda Beauty, la marque aux palettes et rouges à lèvres que tout le monde s'arrache, sont à moins 20%. Et pour les fêtes de fin d'année, profitez de moins 30% sur les parfums et coffrets parfums jusqu'à lundi. Oui, oui, vous avez bien entendu, moins 30%. Alors courez vite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur Sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. Faire un carton, expression française qui signifie que pour le Black Friday sur la Redoute, vous êtes sûr de faire les bons choix. Jusqu'à moins 60% sur les meilleurs produits, des ventes flash tous les jours sur vos marques préférées et moins 10% supplémentaires sur la mode. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr.

des trucs un peu moins propres. Restez avec nous avec Jean Lassalle. Qu'est-ce que ça peut donner face à une enceinte connectée quand il veut se commander des trucs? Le manager de Laurinil nous l'aurons au téléphone. Nous aurons dans quelques minutes 5 astuces efficaces, scientifiques et prouvées pour lutter contre le froid. Nous aurons 10 000 euros à vous offrir, 7, 10, 12. En mettant courrier au début du message, j'ai une enveloppe à 1000, une à 5000, une à 10 000, une à 100, une à 5, une à 200. Vous allez me prendre des sous là-dedans. 7, 10, 12 en mettant courrier au début de votre message. Je vous l'ai annoncé, je le dis quand même très rapidement. Donc Zaz va faire son retour. Et t'as dit que c'était une bonne nouvelle. Alors non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est, oui, enfin pour les fans de Zaz, oui. Ah oui. Mais c'est une nouvelle un peu surprenante. Vous vous souvenez de Zaz? Bien oui. Sûr, oui. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi pas de dire. Une limousine, pas de vanne. Non mais parce que je comprenais pas la parole au début. La première fois que j'ai entendu, pendant longtemps, j'ai entendu autre chose que ça. Mais je peux pas vous dire ce que j'ai entendu. Non, j'entendais donnez-moi une suite au Ritz, mais je peux pas. Mais non. Pourquoi mais faire? Non, dis pas. Donnez-moi une suite au Ritz. Bah si, j'entendais ça. Je suis désolé. Eh bien, vous connaissez Rammstein? Ah oui, ah bah oui. C'est un groupe allemand. Qui blinde à chaque fois qu'ils font un concert, Rammstein. Ouais, c'est extraordinaire. C'est personne n'en parle dans les médias, mais ils remplissent des zéniths et des salles entières. Eh bien, le chanteur de Rammstein est allé la voir Zaz après un concert. Il lui a dit qu'il était fan d'elle. Résultat, ils vont peut-être se faire un duo. Ah ouais? Non. Zaz et Rammstein. C'est incroyable quand même, c'est non? C'est bizarre. Ah, mais d'ici à ce que Eric Judor fasse le clip, ça ferait un beau trio. Eric et Ramzaz. C'est bon, non? Voilà, tout ça pour ça. Bon, j'ai le temps de faire quoi? J'ai le temps de faire les astuces pour le froid. Je ferai le porno tout à l'heure. Attention, non, mais mets-moi une musique scientifique froid, s'il te plaît, Bichette. Une scientifique froid. Oh, voilà. Hey, mais t'es chelou, toi. Mets-moi une musique gouttière pleine d'eau. Je sais pas. Non, vite. Les astuces pour lutter contre le froid, puisque la France est plongée. C'est un peu fort. C'est pas grave, le jour où on aura Stéphane Bern, on la ressortira. Les astuces pour lutter contre le froid. On apprend d'abord, grâce aux journalistes, qu'il faut se couvrir. Bah, c'est logique. Je voudrais remercier les mecs qui ont bossé pour nous sortir cette info. Effectivement, si je vais pieds nus, je risque de me les geler, mais il faut se couvrir. Deuxième info, boire des boissons chaudes, à l'exception du café. Ah, pourquoi parce que la caféine bloque les récepteurs dans les vaisseaux sanguins et les empêche de se resserrer. Comme ils sont dilatés, le corps perd plus rapidement de chaleur. Ah, d'accord. Surveillez votre alimentation. Mais alors écoutez bien, c'est pas les tartiflettes, ni les raclettes, ni les fondues qui font gagner des degrés. Privilégiez les soupes, les recettes qui mêlent à la fois des protéines et des sucres lents. Ah bah c'est froid, hein, je suis désolé. Ah oui, hein. C'est vrai. C'est libéré, c'est la reine des neiges. Je parle d'un régime contre le froid, tu me mets la reine des neiges. Mais oui, parce que c'est un régime contre le froid. En gros, en digérant des protéines, la température corporelle augmente plus rapidement qu'avec des glucides ou des lipides. Ne pas marcher les mains dans les poches, on a tous tendance à faire ça. Oui. Non, si on marche en faisant faire à nos mains des mouvements de balancier réguliers, ça permet mécaniquement de réchauffer notre corps. Donc si on réchauffe notre corps, on enlève des calories, en plus on peut maigrir un petit peu. Et enfin, évitez de prendre des bains. Parce que contractez vos vaisseaux et vous ressentirez bien plus la différence de température. Pas de bain chaud. C'est pas bien le bain chaud, c'est pas un bon truc. Et enfin, dormir suffisamment. Le corps reposé pourra concentrer ses efforts pour lutter contre le froid. C'est bien, non? Ouais. Sinon, bon, j'ai eu un truc plus basique, dormir dans un four. C'est dangereux. Mettez à 20 degrés, hein, mettez au minimum. Mais endormez-vous avec une pomme dans la bouche, quand même, ça peut être sympa. Voire faites une micro-sieste. Une sieste dans le micro-ondes. Bienvenue en tout cas. Non, ne faites pas, c'est une blague. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. 10 000 euros à venir. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos todas las ganas. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me flow como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacitas. Todo el mundo quiere, todas las mami no quieren. Sé que prefiere, mami tu huevo no miente. La gente me. que este rumba ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pone, vamos a romper la frontera con un olé. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Con las manos para arriba. Yeah. Siente el ritmo, mamita. Preguntaré a la gente. El ambiente está caliente. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame, dame. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela. Colombia hasta Portugal, de España, Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Que lo que. Un, dos, tres, go. Que lo que. La Hindi Mashup. Sikoé, c'est le Bifort sur Énergie. Ils seront nos invités la semaine prochaine. Big Flo et Oli seront là et ça va être un très grand moment si vous voulez être avec nous. Koepublicatenergie.com et sur mon Twitter, Koe officiel, je vous en offrirai dans le week-end des invités comme ça. Vous serez juste à côté d'eux, vous ferez des photos avec eux et vous serez heureux. Ce week-end, en parlant de ça, nous allons à Nantes avec mon Jeff. Oui. Première relancée du One Man qui s'appelle 100% libre. Oui. Puisqu'on sera 100% libre, venez nous voir à Nantes. À quel endroit? À la compagnie du Café Théâtre, boulevard de Strasbourg. Samedi, je joue deux fois, les amis. Une fois à 18h, une fois à 20h. Oui. Pression ou pas pression? Non. Fatigue, à la fin, 22h, faut plus me parler. Hein, ah attention. Ouais. Les photos, vous avez intérêt à régler l'appareil, faites la batterie, parce que je ne réglerai pas. On y va, monsieur Bordas, le hashtag avant les 10 000 euros, oui, peut-être. Je suis un thug quand il y a Cécile qui nous dit je suis un thug quand j'accepte les conditions d'utilisation sans les avoir lues. Oui, bon, on le fait tous. Mais on le fait tous. Life. Les trucs, c'est écrit tout petit, tu dis t'acceptes. Bah oui, t'acceptes, bah, oui. Évidemment. J'appelle quelqu'un qui s'est inscrit au 7-10-12. Donc ça ne sera pas celui-là. Eh bien, ça ne sera pas toi. J'appelle un deuxième. Toujours. Toujours. Toujours avoir une solution de recours. Toujours. Un route de secours. On y va. Je pense à un truc que j'ai vu. Faut que je vous en parle deux secondes dans un instant, ça vient me faire penser à ça. Mais c'est quoi, tu vas l'oublier? Je vous explique. Oui, je vous en parlerai. Allô? Oui, Lucas. Oui. Bonjour, je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Comment ça va, Lucas? Ça va et toi? Ça va très très bien. Est-ce que tu es heureux, Lucas? Ouais, ça va. Ouais. Là, tu viens de dire à quelqu'un à côté, c'est Koé, je vous laisse deux secondes, j'ai Koé en ligne. Ouais. Je le torche rapidement en 30 secondes et je suis de retour. Tu fais quoi dans la vie, Lucas? Je vais le refaire. Tu fais quoi dans la vie, Lucas? Eh oui, moi aussi, j'aime bien les. Oui, bien sûr. On ne fait jamais trop de. Oui. Tu fais quoi comme métier? Olivier de chez Carglass. Tu es Olivier, j'ai entendu Olivier. C'est lui, Olivier de chez Carglass. Ok. Bon, dès que j'ai un trou dans le pare-brise, je t'appelle. Écoute, je vais parler seul puisque je comprends rien à ce que tu me dis. Il y a des enveloppes partout. Agression. Il y a une enveloppe à 10 000, une à 1 000, une à 100, une à 5, une à 5 000, une à 200. Est-ce que tu me captes, Lucas? Ouais, c'est bon. Magnifique. Ah, voilà. Est-ce que je peux enfin connaître ton métier? Menuisier. Menuisier, oh, bah oui, ça rien à voir avec Olivier de chez Carglass, bien sûr. Mais ça ressemble un peu. Oui. Bien. De loin. Alors attention, trouve-moi la bonne personne, gagne des sous, c'est tout ce que je souhaite. Bon courage, mon ami, tu as le choix entre Stouff, Bichette le réalisateur, Jeff, Bordas, Miko et moi-même. Je vais dire Miko. Monsieur Miko! Allez, c'est parti. You have the pressure. J'ai l'impression d'être à Cannes. Le grand gagnant est. Bon, c'est une petite somme, ça va peut-être te faire plaisir. C'est 200 euros, c'est toujours mieux que rien. 200 euros? 200 euros. Tu les prends? Est-ce que tu les prends? Je les garde. Tu les prends ou on les garde? Non, je vais les prendre. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Eh bien, 200 euros! Bravo! C'est fait, mon ami, je te fais un gros bisou. Continue de nous écouter tous les soirs, on t'envoie ça va faire des sous, des cadeaux de Noël. T'invites ta chérie au restaurant. Ouais. Comment elle s'appelle ta chérie? Clément. Et tu habites où? Argent. Eh ben, je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort, Lucas, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, mon pote, je t'embrasse. Ciao. Vous aussi, faites-moi penser à vous parler du cirque dans un instant. J'ai vu un reportage télé ce matin. Okay, pendant le Zap Télé de Miko, ça tiendra bien. D'accord. Le Zap Télé, justement, dans 3 minutes. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer. les yeux, sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux. Avant le zap télé de Mico, je voulais faire un bisou aux gens du Cirque Pinder parce que j'ai vu un truc ce matin sur BFM Télé, je zappais comme ça, oui. Et il y avait le Cirque Pinder, vous avez vu la même image, où il y avait un type en Monsieur Loyal et derrière il y avait un prestidigitateur. Okay. Et la journaliste lui dit, mais donc il n'y a plus d'animaux sauvages. Il dit non, plus d'animaux suite à la maltraitance des animaux dans les cirques, il n'y a plus d'animaux sauvages, etc. Et derrière, tu vois le prestidigitateur mec qui fait sortir une colombe. Mais quand tu sais les tours, tu sais que la colombe, ça fait globalement 15 minutes qu'elle est repliée en 12 dans la manche du mec. Parce qu'il n'y a pas de secret. Si la colombe, elle sort, c'est qu'elle est dans sa manche depuis le début. Oui, c'est ça, oui. Et la colombe, gars, elle sort, les plumes. Genre un type qui vient de se réveiller à 3h du mat. Voilà, elle est comme ça, la colombe, au moment où le type dit non, il n'y a pas de maltraitance. Et tu sens le magicien qui n'a pas entendu, qui sort sa colombe avec les plumes dans tous les sens, super fier. Partez, partez, la colombe, partez. Arrêtez de la faire apparaître. On tourne. Vous voulez que je la replie ou non? Jean Lassalle face à une enceinte connectée dans un instant. La vie réelle face à la vie du porno dans un instant. Mais le zap télé de Mico, on y va. Alors sur M6, dans La France, un incroyable talent hier soir, Sugar Sammy ne valide pas du tout un numéro avec un chien qui fait du skate. Et pourtant. Moi je pense que c'est ça, tu sais, avec ton chien, aime-le, donne-lui à manger, amène-le dehors, mais amène-le pas à la télé pour l'humilier devant des millions de gens. Moi je pense pas qu'un chien peut gagner un concours de talent, même en France. Ça a gagné il y a 300 ans. Eh oui. Qu'est-ce que je fous ici? Bienvenue en France. On fait gagner des chiens. Eh oui. Que tu vas apprendre des choses, Sugar Sammy. Monsieur Sucre Sam. Il est super, Sugar Sammy. Je l'aime beaucoup. Quoi d'autre? Alors dans l'émission Affaires conclues sur France 2, on apprend ce qu'est qu'un latina. Ce qu'est qu'un? Ce qu'est qu'un latina papyrophile. Ce qu'est un. Merci. Ce qu'est un. C'est moi. J'ai cru que tu sortais des anges. Tu me fais pas. Ouais, ça m'arrive. Ce qu'est un quoi? Latina papyrophile. Alors je vous demandais en début d'émission ce que sont les latrina papyrophiles. On ne sait pas. Là encore, pas facile. Quoique, moi j'avais trouvé. Il s'agit de collectionneurs de sortes de parchemins roulés de couleur blanc ou rose ou bleu que l'on trouve en général dans les toilettes. Eh ben c'est de sa génération. Moi je ne savais pas ce que c'est. Hein. C'est du PQ. Voilà, collectionneur de PQ, écoutez. Voilà. Ça existe vraiment? Bah, chacun fait collection de ce qu'il veut. On continue dernier. Il y a bien des hôpitaux qui demandent des collectes de caca. Oui, et puis ça après. Eh ben justement, Coco, tu en parles en début d'émission. Le Mac de la Santé sur France 5, confiant qu'on peut gagner des sous grâce à ces stèles. Ah bah voilà. La greffe fécale, c'est la transplantation sur 30 minutes d'environ 10 seringues d'excréments frais dilués dans du sérum physiologique directement dans les intestins du receveur, soit par une sonde nasale, soit par une sonde rectale. Dernière petite précision, ça peut vous intéresser, ce don est rémunéré 50 euros. Moralité, ça sent pas la rose, mais ça peut rapporter gros. On est donc d'accord que le monsieur nous a expliqué qu'on pouvait réinjecter du caca soit par l'arrière, soit par le nez. Voilà. Très bien. Eh ben écoutez, le choix est difficile quand même. Non, voici, il est vite fait. Tu sais, moi, c'est docteur, je peux choisir. Non, j'ai cherché pas, j'ai mon idée déjà. Merci de nous avoir choisi. Dans un instant, le manager de Lorini au téléphone. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved and I've lost. But that's not what I see. So look what I got. Look what you taught me. C'est là, il y aura Shawn Mendes. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Hier, Lorini est arrivé pour le deuxième soir à Bercy. Premier soir, 2h30 de retard. Ouh, c'est moche. Hier, elle a compris la leçon. 1h30 de retard. Ouh, c'est remoche. Il n'y a pas de concert ce soir. Hein. Je crois qu'on est en liaison avec le manager de Lorini qui est à l'hôtel, ouais, qui nous entend. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Ah, il doit être en retard lui aussi. Je vais passer à la question suivante. C'est la faute à qui si Lorini est en retard depuis deux jours? Ça va. Oh, on est en décalé donc. Ok, pas grave, je continue. Qu'est-ce qui compose ces chansons? C'est qui? L'alcool. Ah oui, c'est tout en décalé. Qu'est-ce qu'elle mange avant de monter sur scène? Elle-même. Comment s'appelle cette star française qui est venue la voir hier soir? Jambon beurre cornichon. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne soirée, on se voit plus tard pour boire un coup dans. Black M? Non, mais pas ça! C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Personne n'est à l'heure. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I can take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood.

Coé, c'est le Bifort sur Énergie. L'émission en public dans quelques minutes. On va descendre, on va être un petit peu à la bourre. Je préviens tous ceux qui nous écoutent parce que le public est déjà très très chaud en bas. On va se faire une belle émission tout à l'heure dès 18h. Nous aurons le qu'est-ce c'est. Si vous trouvez l'objet, vous gagnez un beau cadeau. Il y aura quoi gagner, Stouf? Nintendo Switch. L'appel promo, on continue hein, la vie sexe par rapport à la vraie vie. Nous appellerons un magasin de plaisir. Nous aurons le Blague Friday, oui, puisqu'il faut que vous soyez prêts. Il n'y a pas que des soldes. Il faudra faire 2-3 blagues les magasins. On s'occupera de tout ça dans un instant. Il y a un monsieur qui veut traverser, je crois, la Manche dans un tonneau. C'est ça, c'est pas une vanne. On prendra de ses nouvelles tout à l'heure. Jean Lassalle, vous vous souvenez de Jean Lassalle, condamné à 1 500 € pour avoir porté le gilet jaune à l'Assemblée nationale. Bah, en même temps, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Oui, lui a demandé de l'enlever, mais il l'a gardé. Ça lui coûte 1 500 € d'amende. Mais Jean Lassalle, c'est vrai que quand il parle. On a du mal à le comprendre. Oui, oui. Ouais. C'est pas audible. Oui, il bouffe un peu les mots, il mange les mots. Aussi. Voilà, et donc, imaginez Jean Lassalle avec une enceinte connectée chez lui. Oui. Alors imaginez, il a ça et il a décidé de chercher le lieu de rendez-vous des gilets jaunes à Paris ce week-end. Okay. C'est simple. En théorie, tu dis, bonjour Google, dis-moi s'il te plaît l'endroit de rassemblement des gilets jaunes. Et elle te répond, là, ça pourrait plutôt donner ça. Je vous écoute. Quelle sorte de pari souhaitez-vous effectuer pour l'auto? Dites l'auto. Pour le quintet, dites quintet. Non, madame, je n'ai rendez-vous. Quoi l'adresse déjà? Vous voulez écouter Dja? C'est parti. Non. Madame, le maillot jaune du dernier Tour de France est Gérin Thomas. Non, madame, c'est moi, non, mais je ne sais pas dire rendez-vous. Pour un rendez-vous avec les filles les plus chaudes de ta région, envoie Pécho au 6-12-12. Je de la merde, ça, hein. De la merde, mot argot signifiant excrément, aussi employé pour désigner certaines émissions de télé. Heureusement pour Jean Lassalle, Google a créé l'application Gulebeu. Ils l'ont fait, Mais oui, Gulebeu, gilet jaune, Guédog Bébé de Bédé Bit Bug le République. Guédog Débd, 8h15. Merci Guédébé. J'imagine même pas avec le Siri. Hein. J'espère que tout va bien. Voici Kenji et dans un instant l'émission publique. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera à quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bon bricoleur. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Tiago, Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le dire. 17h, 20h. Vous êtes prêts? C'est débrouillard! Eh ben, une fois n'est pas coutume, le deuxième jour de retard. C'est bon, nous sommes là, tout va bien. Vous allez me faire flipper comme ça tous les soirs. Tranquillement dans non mais dites-le moi maintenant que alors, je écoutez, me prépare. Je ne sais plus quoi faire. Le monte charge ne veut pas de nous, ça fait trois fois. On passe par un monte charge qui se referme, la porte s'ouvre, on croit qu'on descend, on descend pas. Ça va, vous êtes en forme, tout va bien? Dans quelques jours, ils seront nos invités. C'est pas grave. Big Flo et Oli seront là. Ce soir tu danses. Oui. La nuit porte quoi? La nuit porte conseil. T'es tout seul à chanter, Jeff, c'est assez minable. C'est assez minable. Ne pense plus à rien. Rien, rien, rien. On fêtera la sortie de l'album la semaine prochaine avec Big Flo et Oli. Très content qu'ils viennent, je les aime beaucoup moi ces jeunes. Plus tard, tu comprendras plus tard. Yeah. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. On a plein de messages, vous êtes super nombreux à nous écouter tous les jours. C'est la deuxième partie de l'émission, il est 18h07. Ce soir il va se passer pas mal de choses. Le Black Friday, c'est sympa, c'est pour dépenser de l'argent en achetant des fringues ou des objets dont personne n'a voulu, c'est pour ça qu'ils sont soldés. Bah, et donc, pas forcément. Oh, principalement quand même. Ce qui... Bah non. Bah, c'était un gros stock. Ouais, mais globalement, quand ça attaque à 60%, ça sent pas bon, oui, c'est oui, le truc. Oui. Pas forcément, je suis pas d'accord. Non, si. Non, je suis pas d'accord. Ah bon, t'es sûr? Bah oui, je suis sûr. D'accord. Bien sûr. Parce que t'as eu ce pull au Black Friday, c'est ça que je veux dire. La vie qui se vend, non, pas du tout, c'est très tendance, les gens le voulaient. Non, pas du tout. Ok, il en restait une pile de 800 exemplaires. Oui, c'était à moi 80%, je n'aime pas du tout ce que j'ai fait. J'ai fait une affaire. Voilà, l'équipe va bien, vous êtes en forme, oui, tout le monde. Oui. Tout à l'heure, nous aurons ça. Donc, pour rivaliser avec le Black Friday, nous allons faire Black and Blague Friday. Black Friday, c'est pour que les commerçants soient au taquet, soient prêts à avoir de la vanne à un moment donné, s'ils en ont marre de genre, ah, ça c'est à moins combien, hop, de la vanne. D'accord, on fera un spécial bricolage tout à l'heure. J'ai envie de faire de la vanne de bricolage. Ah ouais, très bien. D'accord, okay. Ça va mon Jeff aussi? Ça va très bien. T'es en pleine forme, tu es plus fatigué. T'as une petite mine, toi. Hein. Oui, oh. On travaille beaucoup, on fait beaucoup de choses. Monsieur Bordas, monsieur. Monsieur Henri, toujours. Monsieur Bordas, on en est où des oui. Hashtags de ce soir? On est numéro 2 TT France. C'est très, toujours. Très bien, on en lit quelques-uns. Ouais, il y a Marcel qui nous dit je suis un thug. Marcel. Marcel. Oui, Marcel. Il s'appelle on embrasse Marcel. Je vous jure. Et en plus, c'est très drôle, il nous dit j'enlève la clé. Quand... Je suis un thug quand j'enlève la clé USB. Sans passer par la case, retirer le périphérique USB en toute sécurité. Oh non. Bah, c'est difficile à dire, laissez-moi tranquille. Oui, retirer le périphérique bon. En toute sécurité, c'est très dur à dire. Attention, je lis quelques-uns de vos messages que vous nous laissez sur tous les réseaux sociaux. Dans un instant, on fera l'appel promo dans un magasin. On fera un magasin pour adultes, une sorte de sexodrome, vous voyez, le truc. On... Est-ce qu'on est sûr qu'ils ont un micro? Alors, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils aient un micro, mais par contre, s'ils ont de la bonne volonté. Oui. À la crier. À la crier. À l'ancienne. Oh yeah, oh yeah, de retour. Et en même temps. Message adressé à tous les pervers. Je comprends à quoi pourrait servir un micro dans un très grand magasin. Dans un sex shop. Bah pour faire une recherche. Chers clients, je vais nettoyer les vitres, faites attention, merci. Il y en a des grands, hein. Sinon, à part. Oui, mais enfin bon, quand même. Oui. Dans le 15e, le Concordia est grand. Oui, il est très deux grand. Deux étages. Comment tu sais ça, toi? Comment tu sais ça, toi? Non, mais parce que je passe devant. Comment tu sais qu'il y a deux étages? Non, mais c'est vrai, je passe devant. Bah, comment tu sais dans le 15e déjà? Est-ce que je peux vous raconter une blague que j'ai jamais racontée, que l'on avait fait avec Miko, avec toute l'équipe, avec Cécile à l'époque sur un tournage? Je sais pas si Miko était non, là. Non, il était pas là, Miko. C'était une émission où on tournait une caméra cachée dans un gros sex shop à Paris sur plusieurs étages. Ouais. Et donc, on rentrait, on était en caméra cachée. Il y avait un type qui nous suivait qui avait une caméra cachée. J'étais avec Cécile à l'époque, on tournait le truc. Donc, déjà, t'avais tous les clients qui nous croisaient, qui n'avaient pas vu les caméras, qui pensaient qu'on était en couple, oui qui disaient. Oui, Cécile, bonne soirée. Hey, donc, sympathique. Okay, et je chope le vendeur et je dis au vendeur, je dis alors est-ce que vous auriez un sextoy? Il me dit oui, il y a tout ça. Oui, mais il en faut un fabrication française, c'est pour Jean-Pierre Pernaut. Donc le gars, très sérieusement, il regardait, il fait non, j'ai du chinois, j'en ai qu'un en français, il m'en sort un en bois, ben, abominable. Oh, en bois. Je lui dis écoutez, très bien, ça fera plaisir à Jean-Pierre. Avec des chichas. Et à ce moment-là, j'entends du bruit derrière moi. Et je vois deux videurs baraques qui prennent le caméraman et qui le sortent. Non. Et je vois les deux mecs qui reviennent vers moi. Et là, je me dis, je suis mort. Je suis mort, ils ont vu les caméras, je suis mort. Et là, les deux gars arrivent avec le patron du sex shop qui dit, Monsieur Coé, il y avait une caméra qui vous suivait, des paparazzis. On les a dégagés. On les a dégagés. Vous êtes tranquille, je m'occupe de vous, je vais pouvoir vous faire la visite de tout le magasin. Mec, ça a duré 45 minutes, j'ai fait tout le tour. L'enfer. Avec que des gens qui disaient bonjour monsieur Coé. C'était une cata, ouais, je te confirme. Dans un instant, je lirai vos messages des réseaux sociaux. Dans un instant, la pub promo dans un magasin pour adultes. Et pas mal de surprises dans l'émission. Nous aurons le monsieur qui va faire donc la traversée. La traversée de quoi? De l'Atlantique. De l'Atlantique dans un tonneau. Dans un tonneau, c'est ça. Jean-Jacques. Hein. C'est bien qu'on l'appelle avant qu'il parte. Oui, sûr de l'avoir. Sur les réseaux sociaux. Bonsoir, serait-il possible de penser aux agriculteurs qui vous écoutent dans le tracteur, signé Christopher, agriculteur. Bisous à l'équipe. Eh bien, on pense alors, à vous. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on dit bonjour à des professions qui nous écoutent, on en oublie tout le temps. Je suis désolé. Bah, on peut pas tout les faire. Alors les agriculteurs, je vous fais des gros bisous. Bon. Voilà, les agriculteurs. Ouais, tu dis pas un mot pour ceux qui sont en prison. Ouais, il y aura toujours quelqu'un qui... Oui, mais j'embrasse ceux qui sont en prison. Ah ouais, ceux qui sont à l'hôpital, ils puent, quoi. Ah bah non, j'embrasse aussi ceux qui sont à l'hôpital et qui puent aussi, ou qui puent pas. J'embrasse les gens, j'embrasse tout le monde, moi. Voilà, tous ceux qui nous écoutent. Voilà, bonjour, avez-vous la date de l'émission avec Guillaume Batz? Parce que je voudrais réserver au plus vite pour être certaine qu'il reste de la place. Ah, ça y est, maintenant, Guillaume Batz, c'est les Five Sauce, quoi. Ça y est, c'est... Le mec, il a son fan club. Mais c'est signé Guillaume Batz. Ah, Coco, ouais. Ah, Coco, j'ai envie de venir, moi. Ouais, Guillaume Batz, il va venir parce que je l'aime beaucoup. C'est un copain et c'est un garçon qui a plein d'humour. Il viendra nous voir. Oui, qui c'est Guillaume Batz, le public? Oui. Ah, vous pouvez pas le rater. Quand vous l'avez vu, vous pouvez pas le rater, Guillaume Batz. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est, mais vrai. C'est pas une vanne. Non, non, mais il est atypique. C'est un humoriste qui est handicapé, qui est grand comme ça, et qui est super drôle, et qui joue de son handicap, et, oui. Et qui est le premier à faire toutes les vannes avant qu'on les fasse. Et qui est super drôle. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous l'avez vu, vous pouvez pas l'oublier, parce qu'il y a assez peu d'humoristes handicapés, et parce qu'il est très drôle. Voilà, double raison. Et je lui fais un gros bisou à Guillaume, qui m'envoie des fois qui m'appelle en FaceTime. Il est dans la salle de bain, je lui cache ça, s'il te plaît. Bon, bah, la dernière fois que t'as fait un FaceTime avec lui, on a presque vu son zizi, donc. C'est vrai. Il y a plein de messages

my God. This is like the best song ever. I just love it so much. Later, bitches. Suivez-moi sur Twitter, Koé officiel, Facebook, Koé officiel, Instagram, Koé officiel. Il y a des gens des fois qui me disent, je viens de m'abonner, je viens de lire des messages. Parce que si vous m'écrivez sur Insta, je lis vos messages, sur tous les réseaux d'ailleurs, qui me disent, je viens de m'abonner à toi, je comprends pas, j'ai reçu 3 demandes de faux profils. On n'arrête pas de demander de les enlever et je pense qu'Insta ne les enlève pas. Ils s'en foutent. Je crois qu'ils s'en foutent complètement. Ah, ils s'en foutent, c'est surtout ça. Préfère chercher les nichons. Non, non. Il envoie un téton là. Non, téton. On te coupe la tête, nichon. Non, mais faux. Non, mais par contre, les faux profils qui arnaquent les gens, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent complètement. Dans un instant, nous aurons aussi le dossier de ce soir, 0800 70 42 48. Vous nous appelez puisqu'on a appris que on pouvait gagner 50 euros donc en amenant son popo dans un hôpital. C'est vrai, c'est un hôpital parisien qui fait des études dessus. Hein. C'est pas, sûrement, pas les nouvelles toilettes publiques. Hein. La question est, vous êtes prêt à quoi pour devenir riche? C'est la question. Vous seriez prêt à quoi pour devenir riche? 0870-42-48. Jeff. Moi, donner mon popo tous les jours, par contre. Pas une fois. Deux fois par jour, matin et soir. Je pars au travail, je donne mon popo. Non, ça ira. On veut pas l'image en plus. Ouais, 100 balles par jour. Stouff, tu serais prêt à quoi pour devenir riche? Oh là là. Quelle belle réponse, mais merci non, beaucoup. Mais non, de... mais j'ai pas envie de devenir riche là tout de suite là donc. Non, ça me parle. Oh là là, qui a pas d'idée. Je n'ai pas envie, non, je n'aime pas l'argent. Non, pas l'argent, moi c'est moche. Je donne un rein. Moi les trous dans les pulls, j'aime ça. Donne un rein. Mais non, tu le vends, si tu le donnes, tu seras pas riche. Oh merde, tu es sûr que ça ne travaille pas là-bas, ça ne travaille pas. J'ai mis quelques-uns de vos messages. Alors, qu'est-ce que j'avais encore d'autres comme message? Salut Koé, j'espère que tu vas bien, de Sébastien. J'ai une petite requête. Ma copine et moi venons de voir pour la première fois en one man le samedi 15 décembre à Rouen. J'aimerais te rencontrer en backstage avant ou après le spectacle afin de discuter rapidement et prendre une photo. Tu es mon idole française préférée. Eh, bim. Eh, au revoir Jean Dujardin. Ça serait tellement un honneur pour moi car je te suis depuis la méthode. Bref, j'espère que tu vas lire ce message. Sébastien, et je le dis pour les gens de Nantes qui vont venir nous voir. Prenez vite vos places, il en reste quasiment plus. Hein. Oui, c'est quasiment. Pour Rouen. Pour Lille, et à chaque fois qu'on fait un spectacle, on fait des photos à la fin. Donc voilà, pas besoin de poser la question. Des mails qui sont arrivés assez étranges. Bonjour Monsieur Koé, j'ai une question existentielle qui me taraude. Comment s'appellent vos animaux de compagnie? Olivier vous salue. Alors, j'en ai qu'un, qui est un bulldog français, qui s'appelle Isabeau. Voilà, c'est nul comme nom, mais c'est voilà. Comme ça. Faut jamais laisser ses enfants seuls avec un bébé chien et sortir les poubelles, tu reviens, le nom est choisi et t'es bon. En même temps, c'est dans Isabeau. La liste en I, c'est dedans. Bon, enfin, donc ils ont choisi, hein, ils ont tapé dedans. Isabeau. J'ose pas l'appeler comme ça, mais Isabeau. Bah, tu l'appelles comme ça pour toi. Chien de moi. Salut l'équipe, je m'appelle Vanessa, j'ai une petite question à vous poser. Pourquoi ne feriez-vous pas un film ensemble, Miko, Jeff et toi? Vous avez l'habitude de jouer la comédie. Parce qu'il faut trouver la bonne idée, le bon truc, et quand Jeff saura jouer de la guitare, on le fera. Je sais. La nouvelle star de l'émission, c'est Lucas. Bravo Lucas, c'est notre stagiaire qui met le public dans l'émission. Ça va Lucas? Ça va super. Pléthore Lucas de remerciements sur Twitter. Ah ouais, ah ouais. De gens qui ont rencontré hier Bibi Rixa, qui mettent Thank you Bibi Rixa. Merci pour tout, Lucas. Et c'était cool, Koé. J'arrive après Lucas. C'est touchant. Message de Sommer, j'en reviens toujours pas. Merci à Lucas Fache pour ce moment privilégié. Ah, on balance même le nom. Merci à lui, bah t'as qu'à pas l'appeler comme ça ton compte Twitter. Merci à Lucas Fache pour ce moment privilégié. Et à Koé, j'arrive encore en deuxième. Ouais. De I Will Meet Bébé Rixa. Le mec dit merci beaucoup à Lucas Fache de m'avoir choisi et pour voir Bébé Rixa et à Koé. Troisième position là. Hein, encore, je vais pas lire le quatrième tweet parce que je pense que je suis pas cité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je vais vous lire l'avant-dernier. Alex qui dit merci Koé pour l'émission sur Énergie 12 la chaîne, merci mon ami, la prochaine on fera pour la Saint-Valentin. Et il y a le haters du jour, je vous le lis, suite à une photo que j'ai mise sur Twitter avec Bibi Rixa, il s'appelle Lapin Zenos et il a dit, c'est simple, c'est court, quelle tête de cul Koé. Voilà. Par contre j'adore Lucas. Quelle tête de cul. Ouais, hein. Alors vous seriez prêt à quoi pour devenir riche? Ah, il fait applaudir ça en plus. Hein. Oui, là il les a fait applaudir. Ah, t'inquiète, là. Ah, Lucas, jeune. Sinon t'es content de cette célébrité soudaine et non méritée? Ah, écoute, ma communauté qui s'élève à 4 pour l'instant. C'est vrai. Mais Lucas Fascheur. Lucas, si vous ne l'avez jamais vu, imaginez Vianney, vous avez Lucas. Oui, c'est ça. Hein, au niveau de la rebelle attitude, on est pareil. Quoi. Le petit col qui sort du pull. Ouais. Mais moins de cheveux. Pas vraiment un thug. Mais moins de cheveux. On y va, Fab. Pour devenir. Ça va, Fab? Tu es en forme? Bonsoir l'équipe, excusez-moi, je suis en train de manger. Je vous en prie, bon appétit à vous. Travail, écoute, également. Je préfère t'avoir quand ça rentre plutôt que quand ça sort. Fab. Je t'écoute, Fab. Tiens, pour devenir riche, franchement, bah déjà je suis prêt à tout. Mais si on me demandait de me mettre en. Tu mangeais vraiment? Mais vraiment, non. Tu bouffes là, vraiment. Tu manges vraiment, quoi. Tu veux pas avaler, tu sais quoi? Avale et je reviens dans 30 secondes. Ne bouge pas. Digère. Je te laisse digérer 3 secondes, je vais prendre Johanna. Tu manges, Johanna? Non. N'hésite pas, si t'as 2-3 chips, tu peux y aller. Johanna Dumont, pour devenir riche. Pour devenir riche, oui. Je pourrais tout faire. Je pourrais embrasser mon patron qui pue de la gueule, je pourrais tout faire vraiment pour devenir riche. Non mais c'est une bonne question. On vous donne demain 1 million d'euros. Alors vous n'êtes pas riche, mais vous êtes très très confortable. Oui. On vous donne 1 million d'euros. Mm-hmm. Pour 1 million d'euros, tu fais quoi, Johanna? Vraiment? Embrasser le patron pour 1 million d'euros? C'est oui. Facile, c'est facile. Ah bah je peux faire beaucoup de choses, hein, j'ai gratuitement. Vous allez au bain. Déjà, si vous saviez le nombre de trucs dégueulasses que je fais gratos, ça me gêne pas. Alors 1 million. Je te fais un gros bisou et embrasse ton patron qui pue. Gros bisous, nous revenons vers Fab. A-t-il mangé, Fab? Ouais, mais je continue de manger, j'ai faim. Ah, mais non, mais c'est le mais qu'est-ce que tu manges? Tu manges tôt, hein? Le bœuf. Un bœuf. À 18h39, t'attaques un bœuf, toi. Un bœuf entier. Ouais, non, mais j'ai pas mangé de la journée, en fait. J'ai pas mangé de la journée. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, tu manges pendant que tu me parles à moi. Voilà. Il est comme à la maison. Fab, pour devenir riche, tu serais prêt à quoi? Non, je suis prêt à garder le même patron pendant un mois. C'est une blague. Au pôle Nord. Tu es prêt à quoi? À garder le même patron. Patron? À rester en caleçon dans le pôle Nord. Dans le pôle Nord. Dans le pôle Nord. Moins 20 degrés. Pendant un mois. Pendant un mois. C'est génial, ce... Bon appétit, Fab. Merci. Je te laisse avec ton bœuf. A bientôt. Merci. A bientôt. Merci. Salut, je t'embrasse. Dans un instant, le qui se sait. Dans un instant également, nous appellerons un magasin de bricolage pour les préparer, non pas au Black Friday, mais au Black Friday. Que des vannes. Elles ne seront pas toutes de bon goût, mais on va y aller. Voici Lady Gaga et Bradley Cooper. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. Times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard? So hardcore. Les hashtags, Monsieur Bordas, nous sommes numéro 1, TT France. Ouais, numéro 1. Les tweets les plus tweetés de toute la France. On y va. Alors, il y a Angélique qui nous dit « Je suis un thug quand je vais à la piscine et que je ne passe pas par le pédiluve. » Ah oui. Ouais, mais le pédiluve, c'est rempli de cochonneries. C'est dégueulasse. Quand même, hein. C'est sale, c'est encore plus sale que... C'est là où tu chopes des verrues. C'est et quand tout, même un lave-pied géant. Ouais, c'était oui, le cas. On continue. Il y a Annette Parodis qui nous dit « Je suis un thug quand j'achète un article nouvelle collection alors que c'est le Black Friday. » C'est pas faux. T'as plus de rôle pour la prochaine fois ? Bah, c'est on est dans l'actualité quand même. Oui, mais choisis le truc plus drôle. On y va avec Anaël et Johan pour le Qu'est-ce que c'est ? Ça va les deux ? Ouais, salut Koé. Bonjour Koé. Salut Johan. Salut Anaël. Salut. Anaël habite La Ciotat. Johan habite Bordeaux. Concentrez-vous. Ouais. Vous me trouvez le Qu'est-ce que c'est ? Ouais. N'hésitez pas, je vais vous donner des indices au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête. Il y aura peut-être la bonne réponse. Et il y a quoi gagner, Stouff ? Le cadeau le plus demandé à Noël. Voilà. C'est quoi ? C'est la Nintendo Switch. Ah ouais, c'est vrai. Ça marche bien ça. Hein. Ah oui. Vous êtes prêts ? On y va. Premier indice. C'est parti. Ça mesure une quinzaine de centimètres. C'est une pas règle ? Non. C'est pas une règle, un stylo, un tube de colle ? Non. C'est dur. Un zizi ? Non. Un sextoy. Et non, ça n'est pas un zizi. Et non. Même s'il nous écoute, ça n'est pas un zizi dur. 15 cm dur. Un téléphone. Non. Un petit téléphone alors. Il y a du liquide dedans. Un robinet. Non. Un bonbon. Un bonbon de 15 cm qui a du liquide. C'est du bon bonbon déjà. Un bonbon grand. Putain de bonbon quand même, hein. Et non. Une non. Bouteille. Non. Quand ça rentre, ça fait mal. Un zizi ? Une règle ? Un bonbon ? Alors, Réfléchissez. Une aiguille. Encore d'indice. Ben, tu y es presque. Ça fait 15 cm, il y a du liquide dedans. C'est dur. Ça envoie des trucs dans ton corps ou ça en retire ? Ventoline. Oui. La ventoline. Mais non, la ventoline, d'où ça te retire un truc, la ventoline ? C'est pas un aspirateur. La demoiselle, elle y était presque. Ouais. Tu y étais presque, Anaël ? Une seringue. Bah, oui, voilà, une seringue ! Elle nous a fait l'aiguille, puis après elle est restée bloquée. Une seringue, quinzaine de centimètres, c'est dur, il y a du liquide dedans. Quand ça rentre, ça fait mal. Bon, faut pas rentrer la seringue. C'est l'aiguille. Voilà, et je voulais terminer en disant ceux qui s'en servent portent des crocs. Voilà, c'est tout. Ouais. Une seringue. C'était ça qu'il fallait dire, je l'aurais dit. Bah, désolé, dégoûté, Johan. Johan, dégoûté, dégoûté. T'es deg, hein, t'es deg. Plus que ça, t'es deg. Ouais, t'es deg. T'es super deg, t'es deg. Hein, t'es deg. Deg. Ouh, t'es deg. À ta place, on serait deg. T'es deg, moi je serais toi, je serais deg. T'es deg. Je te comprends. Puisque c'est Anaël qui gagne la Nintendo Switch. Il est complètement vague. Bisous Anaël. Je t'embrasse fort ma chérie. Gros bisous. Oh non. Bonne soirée. Vous êtes au top. Bisous ma belle. Bisous bisous. Qu'est-ce qu'il y a Johan ? Bisous. Ah, j'ai les petits avec moi. Ils sont dégoûtés là. Ah oui. Ils sont deg. Donc vous êtes deg. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Je vais vous dire un truc. Il y a 8 jours, je vais vous faire 2 cadeaux à la place d'un. Ici, on m'a dit non, il n'y aura qu'un cadeau, donc je me démerde déjà avec cette histoire. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, parce que on va me dire non. Il peut pas, il peut pas. Non, non, non, non, non. La la la la la la la la la. C'est Noël. Non. Ah bah non, non, non, non, non, non. Gagnez vos places pour la soirée foot regardée par la planète entière. Le Ballon d'Or, c'est le 3 décembre au Grand Palais à Paris. Le Ballon d'Or est attribué à... Et l'équipe du Rico Show vous y invite. Ah seul Rico possède les tickets. Il vous les offre ce soir. Et vous serez, grâce à Énergie, invité au milieu des stars de la planète foot. Le Rico Show. Ce soir, 20h sur Énergie. Sephora. Le Black Friday, c'est demain. Mais chez Sephora, on n'attend pas. Jusqu'à ce soir seulement, tous les produits Huda Beauty, la marque aux palettes et rouges à lèvres que tout le monde s'arrache, sont à moins 20%. Et pour les fêtes de fin d'année, profitez de moins 30% sur les parfums et coffrets parfums jusqu'à lundi. Oui, oui, vous avez bien entendu, moins 30%. Alors courez vite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur Sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. Faire un carton, expression française qui signifie que pour le Black Friday sur la Redoute, vous êtes sûr de faire les bons choix. Jusqu'à moins 60% sur les meilleurs produits, des ventes flash tous les jours sur vos marques préférées et moins 10% supplémentaires sur la mode. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Boulanger.

Mais la prochaine fois, je veux du rasoir. Je veux raser tout le public la prochaine fois. Voilà. C'est fini, les ou Christian. Un stylo. Oui, ou amenez-nous un petit stylo avec le capuchon bleu. Il existe toujours le jaune de base avec le capuchon. Qu'on appelle le orange. Le standard, quoi. Ça, celui-là, c'est celui de la contractuelle, quoi. C'est, oui, oui, oui. C'est le truc qui marche tout le temps et longtemps. Combien est-ce que ça vaut? C'est pas cher, celui-là, le jaune. Ah, vous savez pas? Ah, c'est merde. Ah, c'est horrible. La colle. Ah, c'est comme quand tu demandes au ministre des Transports le prix du ticket de métro. Il fait, je sais pas. Accessible. C'est moins d'un euro, je crois, le orange. Oui, c'est 50 centimes. Oh, bah, quand même, largement, une baguette, ça vaut un bras maintenant. Excusez-moi. Baguette, ça dure 30 secondes avec Jeff, un stylo bic plus longtemps. Bon, on a toujours c'est qui bon en ligne Johan. Mais pourquoi? Bah pour le jeu tout à l'heure. Ah, me mettez pas mal à l'aise là-dessus. J'ai dit que je ne pouvais pas offrir deux sous. Non, ça s'est mal passé déjà. Je vais le reprendre. Johan. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est allô marrant. C'est toi. Allô. Ah là là. Comment ça va? C'est horrible. C'est quoi les prénoms? Parler ses enfants, c'est horrible. C'est quoi les prénoms? La corde sensible. C'est quoi les prénoms? Thiago. Thiago. Naël et Thiago. Ouais, Maël et Thiago. Maël et Thiago, ça va? Vous avez quel âge? J'ai 7 ans. 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et là, il fait. Ah là là. Alors, vous auriez voulu avoir un cadeau? Oui, s'il vous plaît, la suite. Je ne suis pas le Père Noël. Alors, le Père Noël, peut-être. Peut-être que le Père Noël vous l'amènera à Noël? Peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Mais je ne suis pas le Père Noël. Ah, c'est trop mignon. C'est, là, c'est toi et ta conscience. Ah c'est ouais. Chaud, là, c'est chaud. Voilà. Ah, comment tu vas t'en sortir, Coco, là? Alors, les enfants, je vais être obligé de vous le dire et c'est pas une blague. Je n'ai plus de Nintendo Switch. Je ne peux vraiment pas vous en offrir. Par contre, on a des stylos bics. Non. Même pas. Non, je peux pas. Les enfants, je peux vraiment pas vous en offrir. Non, je vous assure vraiment, je n'en ai pas. C'est pas une blague. T'es un monstre. Non, c'est pas que je suis un monstre. Non, la dernière fois, j'ai offert deux téléphones. Je me suis fait défoncer. T'as pas de cœur. On m'a dit le deuxième, il y en a pas. Je n'ai vraiment pas. Les enfants, je n'ai vraiment pas de Switch. Oh. Repasse-moi les enfants. Oh, c'est le père qui fait. Oh. Les enfants, je suis désolé, vous m'en voulez pas? J'adore les enfants. Bon. Et si par exemple je remplaçais par une PS4 Pro? Oui. Une PS4, est-ce que ça vous ferait plaisir? Oui. Eh ben demandez-la au Père Noël. Avec la Switch. Les enfants, je vous offre une PS4. C'est moche de faire parler les gosses, hein, c'est très... C'est mignon, c'est mignon, ils sont choux. C'est mignon, j'en voudrais. Je vous embrasse, gros bisous la famille à Bordeaux, à bientôt. Bisous. Allez, bisous. Salut, je vous embrasse fort. Oh là là, bah oui, mais ça me voilà. Les enfants, ça me fait chialer, moi. Qu'est-ce qu'on écoute? Imagine Dragons. Ah non, on peut pas, faut que j'appelle mon supermarché, là, ils vont fermer. On en est où du. Hein, non, on peut attendre. Bon, après Imagine Dragons. Parce que c'est eux. Every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut it till it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. me, I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head, won't break it. I can taste it, the end is upon us, I swear, I'm gonna make it. I'm gonna. C'est Coé sur Énergie. Oh là là, tous les jours, Coé, quelle tête de cul. Qu'est-ce que ça me fait rire, ce hater. Mais le physique, mais qu'est-ce que c'est facile, mais oui. Mais oui. Et alors, bien sûr que j'ai pas misé, je suis pas beau gosse, voilà. Mais on s'en fout. Mais est-ce que, bon, il y a une différence entre beau gosse et tête de cul, est-ce qu'on peut taper au milieu quand même. Ah, on peut dire ce qu'il est. Beau cul. Quelle tête de beau cul. Beau cul. Okay. Vous allez bien toute l'équipe? Très bien. Oui. Vous avez Stouff, vous avez envoyé un mail à Monsieur Lavignas pour lui dire qu'on avait offert une PS4? Non, parce que la PS4 on l'avait déjà. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas d'échange de mail. Non. Non, mais concernant PS4, le téléphone, alors on en est où? On en est où qu'ils veulent pas. Donc ils ont dit non. Donc je vais devoir moi-même négocier avec le gagnant pour essayer de lui en offrir autre chose. C'est vrai? Voilà. Bah oui. Ah ouais. Elle n'a pas l'air con maintenant. Ma faute, hein, c'est ma faute. J'ai fait un élan de générosité. J'ai cru que ça allait me suivre. Ah oui, si t'offres des cadeaux qu'on n'a pas. Je sais. Bah, le problème, c'est qu'il faut que je rappelle les 12 personnes à qui je vais offrir des Ferrari. C'est compliqué. Et des hélicoptères. C'est au niveau des hélicoptères ça va coincer. Demain, c'est le Black Friday. J'ai envie de lancer le Black Friday. Qu'est-ce que le Black Friday? C'est de préparer les magasins à ce qu'ils aient des bonnes blagues, à les faire rigoler. Une blague. Hop là, un roulement de tambour à l'ancienne. Je rappelle que ce son n'est pas jamais mis dans le One Man à aucun moment. Non, heureusement. ça c'est à l'ancienne. Ouais, j'adore ce son. Il est marrant, notre One Man n'est pas de. Ouais, je rentre dans un bar. L'autre fois, je rentre chez moi, ma femme me dit. Et ça, tu peux le faire chez toi à la maison. Je rentre chez moi. Non, c'est un mec qui rentre dans un café et la plouf. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. C'est tout pour moi. Voilà. Oui, c'est ça. C'est tout pour moi. Voilà, ça c'est ce qu'aurait voulu entendre l'humoriste qui a fait la première partie de Laurie Neal. Paris. Ah ouais. Le pauvre. Ah, ça le a été dur. Hein. Il a vécu une situation, non, je horrible. Pense, qui est la pire des situations d'un humoriste. Venir quand les gens en ont marre et siffle quoi que tu fasses. Ah, c'est chaud. Attends. Écoute-moi. On appelle un bricomarché. Très bien. Mais t'as de la blague ou pas? J'ai de la blague de bricolage. D'accord, bien. Voilà. Qualité. Allô? Bricomarché Albert, bonsoir. Oui, c'est le bricomarché d'Albert, bonsoir. C'est Coé, on est sur Énergie, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Vous êtes en forme? Comment ça va dans le Nord? Ça va bien, Albert? Oh. Bon, alors, je vous explique. Demain, c'est quoi? Demain, vendredi, c'est le? Friday. Black Friday. Et alors, on va changer un petit truc ce soir. J'ai envie de vous détendre et j'ai envie de lancer le Black Friday. Ouais. Ok, c'est que des blagues, je vous les balance. Ça vous fait rire, ça vous fait rire, c'est pas grave. Si jamais vous riez pas, je vous les facture pas. D'accord? On y va? On y va. Alors on y va. C'est facturé au rire. Hein. L'autre jour, j'étais en train de bricoler. Vous avez vu, je vais faire un truc sur le bricolage. Oui. J'étais en train de bricoler. Ma femme arrive et me dit: ton marteau me fait songer à la foudre. Ah bon? Parce qu'il est rapide? Non, parce qu'il frappe jamais deux fois au même endroit. Ouais. Ça passe ou pas? Ouais. Moi sinon j'en ai une plus marrante. Ah, attendez. Bon, ok, vas-y. Vas-y. Je l'ai dit. Vas-y. Ouais. Pourquoi les lapins sont verts? Je ne sais pas. Parce qu'on les a peints. Parce qu'on les a peints. Ah, d'accord. Ouais. Ok, j'en ai une autre spéciale bricolage. Ok, on y va. On y va. Ouais. L'autre jour, je vais chez le docteur. C'est toujours l'autre jour. Il me dit: vous avez des cailloux dans les reins et du sable dans l'urine. Alors je lui réponds: du coup, si je pisse dans un sac de ciment, ça fait du béton.

J'espère que vous passez un moment. Mais t'appuies sur des boutons au hasard. Une erreur et je me fais défoncer. Pas d'erreur, c'est le tueur, mec, ici. On était en plein melon melèche tout à l'heure. C'est vrai. Où la demoiselle de chez Bricot nous a fait beaucoup rire. Donc moi j'ai adoré, c'était très bien. C'est pelé l'oignon. Mais non, mais si. C'est melon et melèche. Melon et melèche sont dans la cuisine. Melon pèle les tomates et melèche l'oignon. Ah oui, d'accord. Ah, attends, c'est bien. Allez, gars, on fait des melons et melèches sans bois, d'accord? Ok, bah j'en ai une. Alors melon et melèches font un scrabble. Ah, melon pioche le W et melèche le Q. Non, non, non. Oh, non. Eh, hey, j'en ai une autre si vous voulez. Mais non, non. Une petite dernière pour la route. Allez, vas-y. Ah. Une dernière? Melon et melèches vont dans un aquarium. Oui. Et à melon regarde les requins. Oui. Et melèche la raie. Ça va pas. Faites pour moi, drop the mic. Drop the mic, Michel. Bip. Tag. Le tag. Je sais qu'il y a Melon et Melèche achète une maison aussi, hein. Ah, Melon et Melèche achète une maison. Voilà, Melon l'a construit, Melèche l'habite. Mais ça n'a rien de vicieux, hein. C'est que des histoires. Bricolage, c'est genre bricolage. C'est fini. Allez, c'est est-ce fini. Que ces blagues de niveau CE1 sont terminées? C'est le Black Friday. Le Black Friday. C'est vendredi, donc en plus on est jeudi, ça ne sert à rien. T'as fini de bouffer des M&M's, toi? C'est au niveau, quoi, au niveau du M&M's, on est comment? On est très bon. Parce que tu boulottes depuis tout à l'heure, toi, hein. Ah, le gars, je sais pas trop à quoi il sert derrière moi, mais il boulotte tous les M&M's. Le paquet, il était sac homme, c'est comme le paquet de Crunch dans mon bureau. Le gars qui m'amène le crunch, je bois mon café, je me retourne, il n'y a plus de crunch. C'est bizarre. Jeff, ça. Mais sans déconner, t'as un vide frigo, toi, t'as un Taltenia ou quoi, t'arrêtes pas de bouffer. C'est Jeff. Bah oui, c'est Jeff. On fait un bisou à Julie, ça va Julie? Oui, ça va et toi? Oui, ma petite chérie. Julie, puisqu'on disait qu'il y avait cette info où si on mettait nos selles dans un pot, on allait à l'hôpital, on pouvait gagner 50 euros. Ouais. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour gagner de l'argent et donc qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour devenir riche? Julie, je t'écoute. Ben moi, je serais prête à manger n'importe quoi. Ah vraiment? Ah ouais, non, genre les trucs que d'habitude on mange pas, tu sais, genre dans un Koh-Lanta, les trucs comme ça. Moi je peux manger n'importe quoi. Tu faisais de la vie, des trucs fous, des haricots verts, des épinards, des flageolets, je suis prêt à manger des trucs de dingue, des petits œufs. Pois. Ouais, je pourrais manger des tripes, c'est pour te dire que. Non, mais genre. Il y a des gens qui ont est-ce que vous seriez prêt à manger un. J'ai vu ça dans Koh-Lanta une fois, un œil. Ah, l'œil, c'est dur. Un œil de quoi? Oh, bah, c'est gob, tu mâchouilles pas. Ah, parce que l'œil de lapin, ça va. L'œil de poisson, ça va. Mais mec, un œil gros comme ça, là, un truc énorme qui roule sous. Non, comme dans Indiana Jones. Ah, j'ai vu ça dans une émission la dernière fois, j'en étais écœuré pour les gens. En plus, t'as le liquide qui sort quand tu coupes. Oui, parce que. En fait, c'est dur, puis ça fait. Oui, comme quand tu perces un bouton, c'est clac, dans la bouche. Ça, tu le ferais. Quelqu'un te dit des sous contre un œil, tu le manges. Ah ouais, grave. Bah, ça dépend du nombre de sous aussi, hein. 100 euros. Ah non. Oh non, bah non, bah faut qu'il y ait du challenge quand même. Hein. 200 euros. Non. 300 euros. Non. Si c'est un œil d'un mec intelligent, 400 euros. L'œil de Bradley Cooper, 400 euros. Oh bah je préférerais manger Bradley Cooper. Oui, mais c'est pas pareil. Restez avec nous, je te fais un gros bisou, je te souhaite une belle soirée. Dans un instant, nous serons de retour. On aura pas mal de surprises et nous aurons en ligne, et c'est pas une blague, quelqu'un qui va tenter un record, la traversée de l'Atlantique dans un tonneau. N'avez pas rêvé, l'info est juste, on l'aura tout de suite. Êtes-vous prêt à gagner 10 000 euros? Écoutez ce son. C'est le son à 10 000 euros sur Énergie. Tu fermes la batterie de ton ordinateur. Une touillette à café que tu casses en deux. Demain matin à 8h30. Écoutez Manu dans le 6-9 sur Énergie. Trouvez-le et gagnez 10 000 euros cash. Oh putain! C'est facile, c'est le son à 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. C'est uniquement sous l'énergie. Nocibé. Incroyable! C'est déjà Black Friday chez Nocibé avec des offres de dingue toute la semaine. Aujourd'hui seulement, deux ventes flash à moins 40%. L'eau de toilette Wanted Dazzaro 100 ml et le fond de teint Idole de Lancôme. Oui, moins 40%. Dépêchez-vous et à demain pour deux nouvelles offres exceptionnelles chez Nocibé. Nocibé, la beauté libérée. Dans la limite des stocks disponibles. Détails en magasin et sur nocibé.fr. Jiffy, tout le monde parle du Black Friday Jiffy. Mais pourquoi? Parce que le Black Friday Jiffy, c'est une centaine de produits à des prix complètement barrés. Par exemple, le jeu Pie Face est à 10,90€ au lieu de 19,90€. 10,90€ le jeu Pie Face? On prend tout pour le Black Friday Jiffy.

trying to find, but nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. You find another and you'll be just fine. Let her go, it'll be alright. It'll be alright. It'll be alright. It'll be comme tous les soirs. Demain, ce sera le Black Friday. 5000 euros à gagner demain. J'espère que vous allez les avoir en nous écoutant. Vous vous inscrivez. Comment ils s'inscrivent d'ailleurs? Quoi? C'est notre boîte. C'est quoi? Koyatenergie.com? Oui, boîte mail. Voilà, vous nous envoyez vos mails, vous vous inscrivez. Demain, c'est une famille entière jusqu'à 5000 euros à gagner pour acheter intégralement ce que vous voulez. C'est beau, 5000 euros. Ça fait plaisir. Et des opérations comme ça, on va en faire quelques-unes jusqu'à Noël. On en vous en réserve une ou deux qui, à mon avis, vont vous faire très, très, très plaisir. Continuez de nous écouter tous les soirs parce que d'abord, c'est un bonheur d'être avec vous. Ça nous fait plaisir. Et la semaine prochaine, Big Flo et Oli. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Yep, yep. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Ça va l'équipe? Vous êtes tout le monde, tout le monde oui, en pleine forme? Très bien, super. Bon, je regarde si ce que j'ai fait là dans l'actu, j'ai rien raté. Non, j'ai rien raté. Ah, si, peut-être. Quoi donc? Il y a un type qui est absolument incroyable, il s'appelle César Noval. Est-ce que vous savez qui est César Noval? L'homme politique? Non. Un type incroyable. Oui, alors je vous laisse. Non, vous comprendrez après pourquoi il est incroyable. Mais d'abord, il est connu pour un truc. Un record? Ah! C'est un record. Oui, c'est un sportif alors. Si. Tu sais ce que c'est? Bah, t'en as parlé avant. C'est la personne qu'on doit avoir par téléphone? Non. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, lui c'est Jean-Jacques Savin. D'accord. Ça va bien, merci. C'est un sportif? Alors oui. Un record sportif. Mais alors c'est pas un sportif qui fait des records, mais il est connu dans le monde du sport parce qu'il est. Il est baraqué. Il n'est pas entraîneur. Il est commentateur. Oui. Vous en avez oublié un. Respecté, il est arbitre. César Noval sera samedi l'arbitre de touche du match du Real Madrid. Mmh. Mais ouais. Il est aussi connu parce qu'il a un autre métier. Il est stripteaseur. Non. Il est acteur de. Non, arrêtez de voir toujours ça. Il n'y a pas que ça comme info. Non. Policier? Non, il a un métier très très respectable. Il est boucher. Pompier? Non. Avocat, un truc comme ça? Non, par rapport à la loi. Il n'est pas huissier, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'études pour être. Médecin. Vétérinaire? Médecin. Il est médecin plus, je dirais qu'il est. Chirurgien. Il est chirurgien, monsieur Bordas, bravo. Il est connu en Espagne, ce monsieur, parce qu'il est le chirurgien qui a réalisé cette semaine une opération de changement de sexe. Ok. Qui a duré 17 heures. Ah. Et dans la foulée, après les 17 heures passées au bloc opératoire, il a enchaîné avec une petite opération du visage, une opération de la poitrine et une phalloplastie, c'est-à-dire une création d'un pénis fonctionnel sur un patient. Le gars, il était lancé, il a tout fait en 17 heures et samedi, il sera là sur le banc de touche. Voilà, en train de faire un arbitre de touche. C'est bon quand même, non? Ouais. Il dort jamais. Le gars, il crée des pénis. C'est son métier. D'accord. Non mais ouais, c'est pas... Autant dans l'autre sens, les hommes qui veulent devenir femmes, bon... Ah, c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile, je sais pas, mais tu coupes. Ouais, mais là, il faut rajouter. Il faut créer. Il faut modeler un truc qui est forme de zizi quand même. Ouais. Et qui marche. Oui. Fonctionnel. Ouais, il faut que ça marche, vous imaginez un peu. Ah ouais, le bordel. Je sais même pas comment ils le font. J'ai vu un reportage la dernière fois sur la 5, vous vous souvenez, ils l'ont montré et j'ai pas osé trop regarder. Ouais, ça me fait mal, ça me fait mal. Je crois qu'ils prennent. Ils trottent. Bon, je crois que c'est un peu comme un popple, ça, des pyjamas. Oui, c'est ça, ils retournent. Et puis voilà. Et ils recréent un truc autour et c'est pas. Non, c'est pas. C'est chelou quand même. C'est très créatif. Ça doit être chelou quand même. Je sais pas, ou un bout de chambre à air, je sais pas. Peut-être que t'as des tutos sur internet pour le faire toi-même. Tu souffles dedans, puis hop, c'est comme les bouées. Hop, tu mets le petit. Non. Non, vite, tu nous rustines, vite. Oh non, on va appeler Jean-Jacques Savin. Allez, on change de. Rien à voir. Rien à voir. Jean-Jacques Savin va traverser l'Atlantique dans un tonneau. Il a 71 ans, ce monsieur. Ancien militaire parachutiste. visiblement, qui n'a pas son téléphone. Ou alors il est déjà parti. Jean-Jacques. Oui. Je m'appelle Coé, nous sommes sur Énergie. Jean-Jacques, on va déjà vous applaudir. D'abord, bravo, Jean-Jacques. Bravo. Jean-Jacques, vous n'êtes pas encore parti. Vous n'êtes pas encore parti qu'on vous applaudit déjà. Ça va, Jacques? Jean-Jacques, Jean-Jacques, pardon, ça va? Très bien, il n'y a pas de problème. Alors, ancien militaire. Allez, on est parti, c'est Gaou. Ancien militaire parachutiste. Tout à fait. Au repos. Vous allez traverser l'Atlantique, mais est-ce que c'est vrai que vous allez le traverser dans un tonneau sans moyen de propulsion? Eh bien oui, j'ouvre une nouvelle voie de navigation. Vous savez très bien que dans une quarantaine d'années, il n'y aura plus du tout de pétrole, il y aura des énergies nouvelles, mais... tout le monde a tenté de traverser ont réussi à traverser l'Atlantique à la voile, à la nage, à la rame, en paddle. Ouais, mais alors là, en tonneau, ça s'est jamais fait. Il fait 3 mètres de long. Personne n'a fait, personne n'a pensé à traverser l'Atlantique juste poussé par les vents et courants. Alors donc, c'est le plus simple. Ça fait 3 mètres de long, 2,10 mètres de diamètre. Oh, ça pèse 450 kilos. À l'intérieur, vous avez 6 mètres carrés pour vivre. Voilà, c'est ça, j'ai 6 mètres carrés, j'ai un salon, c'est ma table à cartes, la chambre, ça sera ma couchette, 1m80 sur 65 de large, ma cuisine, un évier avec une pompe à eau de mer, pompe à eau douce, je transformerai l'eau de mer en eau douce, et les toilettes. Par un dessalinateur à main, et puis j'ai un point de chauffe, un évier avec un feu, et les toilettes, une bouteille de gaz de 3 kilos. Ah oui, d'accord, c'est pas un tonneau. Et les toilettes? Ah, les toilettes, là, je fais du recyclage. Voilà, non, tout se passe dans un l'évier, je l'ai mis assez bas. Ah, et puis, vous allez faire caca dans l'évier. Non, faites pas la vaisselle dedans après. Non. Ah, mais je l'attendais celle-là. Non, et puis pour le reste, eh bien, comme surtout mes voiliers, chaque fois c'est le saut, hein. Comme avec Tabarly, c'est bon, le saut. Faites pas popo les fesses dans l'eau le jour où vous êtes suivi par un hélicoptère. Ce sera pas la plus belle image de vous. Par un hélicoptère, c'est pas grave, mais suivi par un requin, ça peut être un peu plus ennuyeux. Oui, voilà. C'est ça. Alors, est-ce que vous en avez prévu combien de temps? Parce que finalement, un petit aller-retour Paris-New York, c'est 400 euros. Donc, et ça dure 6 heures. Vous, ça va durer combien de temps, si tout va bien? Ben, c'est le retour qui va durer que quelques heures, à peu près 8 heures, je pense. C'est 3 mois. Je pars pour 3 mois. Ah ouais. Voilà. Et vous laissez faire du coup par les courants comme ça? Ah oui, juste par les courants. Je pars de l'île de Hiéroul certainement vers le 23 décembre. Dès que les vents de nord-est sont établis, parce que j'ai pas envie de me retrouver 8 jours après au Maroc. Ce serait un petit peu ça serait dommage. Un tonneau par définition c'est rond, on est d'accord. Donc vous n'avez pas peur que ça tourne en fait? Ah, vous avez non. Puis pourquoi en tonneau? Parce que, comme m'a dit une mamie de 98 ans, je sais pourquoi vous partez en tonneau, parce que vous êtes sur la route du Rhum. Pas mal. Faut qu'on prenne les auteurs, faut qu'on la prenne comme auteur, cette dame, elle est pas mal. Je lui ai promis que j'allais la ressortir. Non, mais elle est bien. Mais alors, vous me faites peur, parce que s'il y a une tempête, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais j'aurai des pressions assez coriaces qui font que j'ai prévu un siège baquet de cartes là avec un harnais. Je pilote, j'ai fait de la voltige aérienne, ça me dérange pas de faire un tonneau, mais ça sera une première aussi, voilà. Et vous êtes suivi par un bateau quand même pour la sécurité? Non, pas du tout. Tout seul? Je suis suivi par satellite, tous les jours je pourrais donner ma position. Mais il n'y a personne avec vous? Ah mais non, il n'y a personne. Bon je vais vous dire adieu tout de suite alors, Jean-Jacques. Bonne année alors. Je vais vous dire adieu tout de suite, Jean-Jacques, parce que quand même, vous voulez pas partir avec quelqu'un qui vous suit au loin par sécurité? Mais non, j'ai amené une poupée gonflable. Regardez. Oui, non, mais c'était pas dans ce sens-là. Ah, vous savez ce qu'on dit, hein, le sopalin, l'ami du marin. Mais moi, je m'inquiète pour vous. Je vous connais pas, Jean-Jacques. En même temps, j'ai envie de dire bravo. Et en même temps, vous me faites peur parce que 3 mois tout seul dans un tonneau, sans moyen de locomotion, sans moyen de propulsion, et seul, sans sécurité, vous me faites peur. Est-ce que s'il se passe un truc, le temps de se croire? La sécurité, je l'ai. J'ai une balise. S'il y a le moindre problème, d'abord, j'ai un radeau de secours. Donc, ça veut dire que j'ai un radeau de survie. Ah oui. C'est-à-dire que j'ai un plan B. C'est juste un radeau. Je peux envoyer tous les jours des SMS, je peux envoyer des photos, je peux recevoir des emails, c'est un coup, évidemment. Rien, ouais. Mais j'ai un téléphone satellite. Donc ça veut dire que si j'ai un problème quelconque, Bon, j'ai une balise qui provoque, je peux déclencher une balise qui fait qu'un cargo viendra me récupérer. Jean-Jacques, il y a pas de... Jean-Jacques, oui, j'ai envie d'avoir, on verra ça hors antenne, mais le jour où vous partez, moi j'ai envie de vous suivre pendant votre traversée. Ah ouais. J'ai envie, alors, une fois par semaine, de vous envoyer un petit message et que vous m'envoyez un petit message. Mais il n'y a aucun problème, de toute manière, vous pouvez me suivre sur... Tonon.com Ouais, non mais vraiment, c'est pas une blague. www.atlantiqueantonio.com. C'était pas loin. Il y a Jean-Jacques Savin, il y a pas de problème. Vous trouverez le lien et tous les jours vous arriverez à voir ma position. Oui, Miko. Comment vous faites pour la nourriture? Ah oui, 3 mois de nourriture. D'abord, j'amène un fusil harpon à l'arrière du tonneau. Il y a une petite plateforme avec une échelle pour descendre parce que ça fait quand même 2 mètres 10 de haut. Donc je descends par l'arrière. J'ai une petite plateforme où je pourrais me mettre à l'eau, voir depuis cette plateforme flécher des dorades en particulier parce que je serai très souvent, ouais, le parapluie, je serai très souvent accompagné par, je serai en permanence accompagné par une faune aquatique, donc j'aurai le choix. Bon. Faut savoir qu'en bas au fond du tonneau, j'ai un hublot ouvrant, un hublot transparent qui me permet, oui, il vaut mieux, il est au-dessus, hein. Mais dans les fonds, c'est un hublot transparent qui me permet de voir ça sera ma télévision. Je sais pas si l'Atlantique est suffisamment clair pour qu'on voit en dessous, mais... Ouais. Bon, et le problème, j'aime pas le poisson. Bon. Jean-Jacques. J'aime pas la mer. Ouais. Jean-Jacques, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Est-ce que je peux vous demander un dernier service, Jean-Jacques? Vous allez partir de où et vous allez où? Alors, je pars, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pars le 23, aux alentours du 23 décembre, dès que je suis sûr que les vents de nord-est sont établis, je pars de l'île de Hierro, la plus au sud des Canaries. Ouais. Et ensuite, j'arriverai aux Caraïbes, ou je ne sais pas, soit à la Barbade, soit sur une île des Caraïbes. Voilà, je vais atterrir. Je souhaiterais la Martinique ou la Guadeloupe. Alors, c'est ça que je voulais savoir, Jean-Jacques, parce que moi, j'ai des amis qui habitent en Martinique. Est-ce que vous accepteriez d'emmener un ou deux trucs, parce que je devais leur envoyer, j'ai pas eu le temps. Est-ce que vous pouvez les prendre avec vous? Oui, il n'y a pas de problème. C'est une armoire IKEA, une harpe, si vous pouvez les emmener. Mais elle n'est pas montée, l'armoire, hein, ça va. C'est le modèle Gudulf, ça bon. Je vous fais un bisou, Jean-Jacques. Beaucoup de courage. Merci. À qui comme sponsor avec vous? On va vous filer un coup de main. Ah oui. Ah ben oui, alors je tiens à remercier la ville d'Arès, je suis d'Arès, je suis un Arésien de pure souche. La ville d'Arès qui a quand même m'a permis de construire de lancer la construction du tonneau. Rock Éclair qui a participé. Premier financement. Et puis en particulier la tonnellerie Bout et Garonnaise qui me parraine, qui m'ont parrainé. Ça m'a permis d'avancer dans ce projet. Il faut savoir que mon budget n'est pas bouclé et qu'on peut retrouver sur Ulule, de l'Atlantique, oui, sur la... En même temps, ça ne va pas vous coûter une fortune d'essence, mais c'est bien, il faut vous filer un coup de main. Bisous, Jean-Jacques. Merci, au plaisir. Bonne chance, bonne route, et puis à mon avis, vous verrez très très peu de gilets jaunes. Ça va être tranquille. Retour. Très peu d'embouteillage. À bientôt. Moi, je vais vous donner 71 ans, Jean-Jacques. Bravo. À bientôt. T'as vu? Ça va, j'aurai une balise de détresse, j'aurai un hublot, oh, c'est bon. Moi, je m'inquiète pour lui. Il fait ça va. C'est bon. Allez. Te llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche llego a hacerme con el balcón. De noche me floco como Yandé. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate el tren, mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami lo quiere. Sé que La traversée de l'Atlantique. Alors on s'est tous posé une question là pendant le titre. On s'est dit, imaginez, il y a 500 personnes qui lui disent au revoir au port. Oui. Comme il n'y a pas de vent, il n'y a pas de moteur. Imaginez, les mecs qui larguent les amarres, mais comme il n'y a pas de courant, il part pas. Et t'as 500 personnes qui lui disent au revoir pendant une heure et le mec il tape contre le quai, c'est pu. Il reste sur place. Ça va, il est là, ça va partir. J'attends que le courant change, ça va partir. Et tous les gens, mec, en deux jours, il aura fait 1m50. Trois mois plus tard, ah bah j'ai pas changé d'endroit. Trois mois plus tard, il sort du port. Non mais j'espère, beaucoup de courage. Hein. J'espère que ça va aller. Mais c'est vrai que c'est bizarre. On a regardé les images, donc c'est une sorte de gros tonneau orange. Un gros suppôt. Oui, c'est ça. C'est très gros. Celui-là, tu le prends, je pense qu'il te. Tu t'en souviens. Tu t'en souviens très longtemps. Là, t'as plus de rhume. Hein. Tout part d'un coup. On fait un bisou à David qui va être avec nous. Ça va, David? On avait fait une spéciale. Vous seriez prêt à quoi, les amis? Pour devenir riche. Moi, mon père, il est riche. Un tabernacle. Il est riche, mon père. Mon père, il est riche. Vous pouvez avoir regardé un truc sur Internet pour comprendre ça. Vous savez, ça fait partie de ces vidéos complètement stupides que les gens regardent avec « Mon père, il est riche ». Ça, ça va avec « Bravo, bravo, bravo, bravo, ça a cassé l'appareil, bravo, t'es un petit con !»« Non, Baptiste !» Et puis le fameux « Non, Baptiste, qu'est-ce que tu fais ?»« Rien fait. Ah, tu as cramé la bague !»« Ah si, je suis très net. » Comment tu vas aller à l'école demain matin ?»« Mais t'as fumé ?»« Non, j'ai rien pris. » Ces vidéos-là, faut que vous alliez les voir, c'est le top 3. C'est le top 3 des vidéos stupides, mais qui font toujours marrer. On a des nouvelles de lui. De Baptiste? Oui, toujours. Je crois qu'il a une chaîne YouTube qui s'appelle. Tapez ça, vous allez le retrouver. David, qui habite Tours, pour devenir riche, tu serais prêt à quoi? Salut l'équipe, écoute-moi. Salut David. Je serais prêt à traverser le désert en skate. C'est pas facile. Tu vas faire la même vitesse que le mec en tonneau. Je pense que. Très très riche par contre. Parce que tu vas te retrouver en haut de la butte. Allez, sur place. Ça, c'est une image qui me fait super rire dans Brise de Nice 3, où il y a la dune du Pila. Et t'as Brise de Nice qui se lance, tu sais, comme si c'était pour surfer, mais il descend à 2 à l'heure. C'est là, il descend la dune, mais ça glisse pas du tout. Ça me fait assez rire. Gros bisous, David. Gros bisous. À bientôt, embrasse tout le monde à Tours. Bon, qu'est-ce que je voulais? On a plein de trucs encore. On met la pub, dans un instant, on sera de retour. On aura pas mal de surprises, on est toujours bien classé avec le hashtag. On est toujours numéro 1. On en fait quelques-uns, bravo les amis, merci à vous. T'en veux quelques-uns? Il y a Pedro. Non, j'ai demandé, on en fait quelques-uns, mais j'en veux pas. Non. Il y a Pedro qui nous dit: je suis un thug quand j'offre la tournée dans un bar alors que je suis complètement à découvert. Oui, mais ça, c'est des gens généreux, ça, qui distribuent plus les skins. C'est quand même un moment thug. Il y a Maxime qui nous dit: je suis un thug quand c'est mon tour de nourrir le bébé et que je fais semblant de dormir. Oh, c'est pas bien, ça. Non, c'est pas bien. Oh, c'est pas bien, on verra quand on aura. J'en aurai pas. Tu verras. C'est pas bien, mais on le fait tous une fois. Hein. J'ai choisi le sommeil. Moi, mon premier enfant, j'étais au taquet du taquet. Bam, je me levais, les biberons, la mousse, la poudre que tu mets dedans. Tu secoues, la température, tu goûtes avec le doigt pour pas qu'il s'ébouillante. Tu mets dans la bouche, tu tapotes dans le dos, tu lui mets une serviette pour qu'il fasse son rototo. Puis après, je faisais attention parce qu'il régurgitait, mec. Au premier, nickel. Au deuxième,

sûr, je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Coé sur Énergie de 17h à 20h. Je comprends pas. Je dois être trop vieux. 17h, 20h. Bonsoir à tous, n'oubliez pas, demain il y aura quoi? Demain 5000 euros à gagner. Oui, pour voilà. le Black Friday, si vous voulez gagner 5000 euros de bons d'achat, c'est simple. Vous suffit de vous envoyer un mail à coyatenergie.com. Si vous jouez au qui roule, vous êtes la famille, vous repartez avec 5000 euros de bons d'achat. Guy Claude nous a rejoint autour de la table. Ça fait plaisir. Parce qu'une fois de temps en temps, on lui fait quitter le standard. Quand on n'a plus d'auditeurs, on se dit allez, c'est la fin, viens rigoler avec nous. Ça va, mon chéri? Ouais, ça va, mais je me sens tout seul là-bas, les frérots, donc ça me fait vraiment plaisir, ça me fait kiffer, regarde. C'est moi ou ton jean est trop serré, t'arrives pas à lever les jambes? C'est la chaise, ouais. Sont bien serrés tes jeans. J'adore ça. T'as les bouliches qui respirent ou pas? Parce que, mec, bon, après, vraiment, je raconte pas l'odeur, mais je te jure que vraiment, c'est serré. Je l'ai vu de loin la dernière fois. Mais oui, c'est une fois. Une fois servi, j'avoue que le jean était vraiment serré. Mec, c'est très serré tous les jours. Je te vois tous les jours. Tu sais qui tu me fais penser? Dans ton pantalon. À qui? La forme du corps, on dirait le mec dans Moi moche et méchant. T'as les jambes comme Grou et t'as le. Grou Claude. Oh, t'as fait comme ça maintenant. Bon, en attendant, toute l'équipe est là. Puisque aujourd'hui, c'est un anniversaire. Est-ce que vous savez quel anniversaire on fête? Ah, t'as pu c'est de quelqu'un qui les a pris, j'ai pas mes fiches. Quelqu'un dans le public? Non, d'abord, il y a quelqu'un qui fête son anniversaire dans le public? Non, personne. Bon, bientôt, un chanteur? Son anniversaire, non, on trouve pas d'anniversaire. Ok, tant mieux. C'est un chanteur? Non, c'est un film. Un film? Un film français? Un film français que vous avez tous vu mille fois. Il y a qui dedans? Alors, c'est pas qu'il y a qui dedans, je vais vous donner un indice, vous allez le trouver tout de suite. Ouais. Les deux premiers sont cultes, le troisième, c'est une honte. Les Bronzés! Facile. Les Bronzés, le tout premier, ça a 40 ans, les amis. 40 ans. Et ça repasse. Là, on va se taper les Bronzés font du ski. Ouais. Ah, et plaisir. En été, il y a les Bronzés tout court. J'adore. Bien sûr, c'est culte. C'est quoi cette version de discothèque que vous m'avez mis? C'est pas l'original, hein? Non, c'est le remix. Ouais, c'est le remix. C'est le remix des années 90. Okay. Ouais. Écoutez. C'est pas l'original. Bon, bah, ça, c'est le remix. DJ Baba. Ça, c'est le remix. Il y a une 205 qui est mal garée devant l'établissement. C'est pas du tout l'original. Oh là là là là. Qu'est-ce que je vais faire? Mais il sait pas. Voici le blind test des Bronzés. On termine par ça. Alors les plus jeunes, bon, ça passe à la télé tout le temps. Vous pouvez pas ne pas connaître. Vous connaissez peut-être pas les répliques par cœur. C'est un film culte quand même. Vous ne répondez que si vous êtes sûr d'avoir la réponse. On vous met le début de la phrase. Faut trouver la fin. Ouais. D'accord. Ah oui. Qui joue. Sait pas les Bronzés font du ski. Ça, les Bronzés font du ski. On le fera pour quand on sera à la montagne. D'accord. Un jour. Là, on fait les Bronzés. Tout le monde joue. Dès que vous avez la réponse, on y va. Okay. On lève la main. Il y a quel pourcentage de filles pour un mec? GG. Ça dépend des mecs, ça. Ah oui. Et il y a quel pourcentage de filles pour un mec? Ça dépend du mec, ça. Oh, bien joué. Okay. Fort. Bien joué, Jeff. Bien joué. Deuxième extrait. Bonsoir, nous allons nous coucher. Bonsoir, nous allons les niquer. Bonsoir, nous allons nous coucher. Bonsoir, nous allons les niquer. Oh, il y a des classiques comme ça, hein. Allez, troisième. Allez. Alors, la petite hier soir, ça s'est passé comment? Eh ben, je ne sais pas quelle est là. Mais elle aime la bite. Alors, la petite hier soir, ça s'est passé comment? Eh ben, je ne sais pas quelle est là. Mais elle aime la bite. Hein. Et c'est là où elle arrive. Excusez-moi, elle fait, bonjour Popeye, il y a les parents qui sont à côté. Bon appétit. Hein. Allez, quatrième. J'ai été obligé de passer la nuit avec cette femme charmante au sanitaire. Je précise. Que je ne suis pas charmante qu'au sanitaire. Je peux être charmante ailleurs qu'au sanitaire. Charmante au sanitaire. Je précise que je peux être charmante ailleurs qu'au sanitaire. Et on est très fort, on est très fort. Encore un. J'ai vécu avec une femme et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. J'ai mis l'adagio d'Albinoni, j'ai avalé deux tubes de laxatif et puis hop. J'ai changé ma moquette. Attends. Non. J'ai perdu 15 kilos et j'ai changé ma moquette. J'ai vécu avec une femme et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. J'ai mis l'adagio d'Albinoni, j'ai avalé deux tubes de laxatif et puis hop, j'ai perdu 16 kilos et ma moquette. C'est drôle. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette. C'est drôle. Allez, encore un. Tu devrais changer de slip. Ça va pas, non? Il est impeccable, il est de ce matin. Oh non, c'est pas ça, c'est la forme. Tu vois, ça casse un peu le personnage. T'inquiète pas, ça casse pas ce qu'il y a dedans. Vas-y. Pomaï, tu devrais changer de slip. Ça va pas, non? Il est impeccable, il est de ce matin. Oh non, c'est pas ça, c'est la forme. Tu vois, ça casse un peu le personnage. Eh bah t'inquiète pas ma chérie, ça casse pas ce qu'il y a dedans. Ah, hey, m'assiste, ah, m'assiste. Allez, septième. Ta gueule, Rascasse. Mais cool, on est en vacances, hein, relax. Ah, alors là, ouais, ça c'est plus compliqué. Ta gueule, l'allemand, ta gueule, un truc comme ça. Ta gueule, Rascasse. Mais cool, on est en vacances, hein, relax. Je t'emmerde, Belge. Je t'emmerde, le Belge. La voix de Gino quand il part dans les aigus. Ah, alors encore un dernier, puis après on se dit au revoir. Eh ouais, le nazi quoi. Il ferait chier de me répondre, c'est des espèces de pétasses. Non mais ça va pas bien derrière. Il a un problème, le Pélois. Eh ouais, le nazi quoi. Il ferait chier de me répondre, c'est des espèces de pétasses. Non mais ça va pas bien derrière. Il a un malaise, le peignoir. Il a un malaise. C'est fini, il n'y en a plus. Ouais, c'est fini. On n'a pas été mauvais. 40 ans, il y a 40 ans, pile poil, débronzé. Bon anniversaire. Passez une belle soirée, tout le monde. Waouh, laissez que toute l'équipe du Ricochon, ne ratez pas demain. On va se faire une belle émission demain. Ce sera d'abord la dernière de la semaine. Oui. D'abord pour le Black Friday, 5000 euros de bons d'achat à gagner pour toute une famille. Oui. Chaque question vaudra 1250 euros. Allez, hey, c'est pas rien. Hein. 10 000 euros demain non. À gagner. Et comme c'est le Black Friday demain, je mets deux enveloppes à 10 000 euros. Vous appelle, trouvez la bonne enveloppe et vous avez une chance supplémentaire. T'as demandé à Jean-Paul ? Oh, je demande plus. Le perdre sinon. Donc vous avez deuxième chance supplémentaire de gagner jusqu'à 10 000 euros. On va faire un bisou à tous ceux qui étaient dans le public. Allez, on n'a pas dit les prénoms, on n'a même pas dit ni bonjour ni au revoir. Le prénom ? Fares. Ça va, Fares ? Ouais. T'es en forme ? Je crois qu'il est un peu chaud, Fares. Fares, t'as gardé ta doudoune de toute l'émission. Ouais, mais là, non, parce que. Non. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème technique ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, il est trop serré le chien. C'est un problème que je vis régulièrement. Que nous vivons. Ouais, c'est vrai ? Non, ouais. Ouais. T-shirt serré, jean serré, on va faire la paire. Tu vas rester là-bas la prochaine fois. Hein, c'est bien. Tu fais quoi comme étude ? Ingénierie financière. Ingénierie financière, c'est pas mal. Chiant. On y va, la demoiselle à côté. Ça va ton prénom, Mélissa. Bienvenue, Mélissa. Mélissa, petite étudiante, tu vas devoir de temps en temps. À côté Khadija. Ça va, Khadija. Ça va, Khadija. À côté Cyrine. Ça va, Cyrine ? Ça va, merci. Non, pas de vanne. Renon sur le prénom. Renon. Non. Dis-moi, Cyrine. Ouais, voilà, je vais te dire ça. Quoi ? Cyrine, dis-moi, Cyrine. C'est marrant. Ça m'arrange, je m'imagine les familles qui disent « Dis, Cyrine !» Oui, que puis-je faire pour vous ? Non, pas toi, ma fille. À côté, nous avons Nora. Bien sûr, non. À côté Céline. Salut, Céline. Le gars, le garçon, le côté Théo. Ça va, Théo ? Très bien. Tout roule, très bien, tu viens d'où ? Impeccable. Alès. Alès, ça va, Paris, froid, hein. Un peu, mais... Enfin, tu restes ce week-end à Paris, t'es là tout le temps ? Non, ça fait 4 ans que j'habite. D'accord, bon ça va, tu t'es fait au climat. Derrière, madame, moi aussi, madame. Ah, faites-moi un petit bisou. Allez. Genre, je veux pas parler. Vous venez souvent, en plus. Vous venez nous elle souvent. Elle veut pas nous... parler, elle a pas de... Ah ouais. Elle a pas de... Elle veut pas. Peut-être qu'elle parle pas, non ? Elle parle pas. Mais non... Envoyez un texto. À côté. Sofiane. Ah, Sofiane, beau gosse. Ah oui, c'est fait beau, là. Eux, les deux, c'est deux beaux gosses. Il y a Sofiane, et à côté, il y a la demoiselle qui est venue avec son chapeau. Ouais. Son chapeau. Le prénom Roman. Ça va, Roman ? Oui, merci. Tu viens d'où, Roman ? Toulouse. Eh bien, bienvenue, Roman. À côté ? Carole. Salut, Carole. À côté ? Capucine. Ok, Capucine. À côté ? Sonia. Ok, Sonia. À côté ? Alexandre. Salut, Alexandre. Allez, on va derrière. On va loin, là, aujourd'hui. On se fait tout le public. Alexandra. Ça, oh, putain, wow. Ça aurait dû vous mettre côte à côte, c'est marrant. Allez, à côté. Tony. Salut, Tony. Margot. Allez, Margot. Fazil. Facile, facile. Ouais, oh, le mec, il a. Oh, salut, oui, moi je m'appelle Facile. C'est Facile à retenir. Voilà. Avec un F comme Facile à retenir. Sandrine. Sandrine, je t'ai vu, t'as bouloté du chocolat toute la soirée, Sandrine. Sandrine, tu crois que je t'ai pas vu les manger, les petits ronchers Suchard, là, qui sont passés un par un. On t'a grillé, hein. Et à côté Didier qui a bien aidé à bouffer les rochers ce soir. On l'a vu, on l'a vu. À chaque fois que j'allais faire un tour dans le public, deux pelleteuses. Les mecs, ils étaient là. Ça va rentrer. Ah non, c'est un truc de dingue. Passez tous une très très belle soirée. J'espère que vous serez là avec nous demain pour la dernière de la semaine pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Et n'oubliez pas, venez nous voir à Nantes. Oui, ce week-end. On va kiffer reprise du One Man. Je suis pas sûr de moi, hein, de tout. Hein. Mais si, ça va bien se passer. On va tester plein de trucs. On va essayer plein de trucs. C'est fait pour ça. Et vous savez quoi ? Comme c'est les dernières dates de rodage, c'est le public qui choisira. Si ça rit super, on garde. Si ça rit moyen, on garde pas. Oh. Si ça rit pas, je reprends le train. Donc, voilà, ça, c'est clair. J'aurai mon billet SNCF dans ma poche. Il est prêt, il est prêt. Tout moment, je le dégaine, je rentre. Hein. Voilà, j'aurai mon. De toute façon, il y a un truc qui se passe mal, j'ai mon gilet jaune. Jaune. Je le mets, en grève. Et j'arrête tout. Passez tous une très belle soirée, ça va. Vous avez bien entendu bien, Rico? Ça va, Coé? T'as la forme? Très très bien. On va très bien. On a passé une belle. Je sens bien Nantes, moi. Je t'ai maté hier sur Netflix, je le sens bien. Eh ben, je le sens bien aussi. Mais il y a une petite appréhension toujours. C'est normal, mais c'est pour ça qu'on le fait aussi. Enfin, bah, pas moi, mais toi. C'est pour, mais j'aime bien. C'est pour ça qu'on le fait. Oui, surtout toi. Oui, enfin, surtout toi, Coé. Enfin, tu vois, c'est comme la phrase des producteurs. Il y a un truc qui est magique, c'est quand tu fais de la scène, t'as toujours ton producteur qui est derrière toi. Ouais. Tu sais très bien que le mec ne regardera pas le spectacle. Il va aller au bar, il va aller se balader. Ouais, il va aller compter, et toi, t'es en train de flipper. T'es en train, parce que t'as quand même, t'entends les applaudissements. Et le mec, il te tape sur le dos. Il te dit toujours cette phrase insupportable. Il fait et surtout, amuse-toi. Et il s'en va, et lui il va picoler, et il revient à la fin, il fait c'était très bien. Ah bah oui, si tu prends du plaisir, les autres aussi, quoi. Du coup, soir. Les gars, j'ai envie de vous dire pour ce soir, prenez amusez-vous. Ah bah merci, surtout merci. Amusez-vous. Bonne soirée, tu piques du rigolo. Demain 17h pour la dernière de la semaine. Ciao, bisous. Coé revient demain sur Énergie. 3, 2, 1, le Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show, sur Énergie. Yes les amis, on a plein de choses à se faire, demain c'est un jour particulier, on va en parler dans 30 secondes. Massara, on va se faire un appel CPE de dingue, je serai même le directeur aujourd'hui, et je vais appeler des parents pour leur dire que leurs enfants ont fait des conneries, ça fait toujours plaisir ça, un jeudi soir, franchement ça fait plaisir. Ça va, ma Sarah ? J'ai hâte. Comment ça va, mon Rico ? Bonsoir. Écoute, à tous. Je suis en pleine forme. Ce soir, on va se faire une battle de séduction. Ouh. Sylvain contre moi. On a un profil identique sur Tinder. On voit qui est le meilleur. Et j'ai l'impression que je vais encore gagner. N'est-ce pas le tombeur ? Juste plein de chaos ce soir. Ça va, bonjour.